بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ceci est donc une compilation de paroles pour comprendre la fitna contre le da'watu et le dammaj. Car beaucoup de nos frères aujourd'hui et sœurs n'ont pas encore compris. Ils s'attaquent injustement et déloyalement contre cette da'wa. Donc, le sujet dont je vais entamer et va être posé par ma voix, car à ce jour, peu de personnes ou parmi les étudiants qui ont pu propager certaines paroles des ulama, on entend très peu de clarifications sur ce sujet. Donc sur ce site YouTube, quand on recherche dans la barre ou même contre cette mise en garde soi-disant, on tombe sur des personnes qui font du rabbit, de la feinte, des comploteries ou des coupures de paroles. Donc ceci va être un résumé, ou des paroles plutôt résumées, car l'audio va certes durer long, mais en soi, le bénéfice est bref et clair. Donc ce sujet, je ne tire pas de moi-même. Moi-même, je le tire de la source de l'Ulum, Salafia, qui eux-mêmes le tirent des livres des ulama. Alors parmi les principales et indispensables réfutations et explications traduites de la fitna lancée contre la da'wa bid dammaj à travers les écrits et audio, dans l'ordre chronologique et stratégique à la fois, afin de mieux diriger ceux qui cherchent vraiment à comprendre ou qui auraient pris le train en marche. Non, à savoir qu'il y en a bien d'autres, et surtout en arabe, qui n'ont pas été traduites. Mais comme on dit, celui qui ne se suffit pas de peu de vérité ne se satisfera pas de beaucoup. Alors du début jusqu'à ce jour, donc de la Hizbiya Abd al-Rahman al-Adani, je vais donc commencer à lire ce fascicule pilier démontre la Hizbiya Abd al-Rahman al-Adani avec les preuves claires et tranchantes, car c'est de là que tout a débuté en apparent et qui s'intitule Al-Mukhtasar al-Bayyin. Non. Alors, parmi la préface, donc, le Mukhtasar al-Bayyin al-Mawdu', yani l'Hizbiyyatu l'Adani, Abd al-Rahman, wa man tabi'ahu ala al-fitnatu wal-Udwan, donc un aperçu éclaircissant la Hizbiyya de Abd al-Rahman al-Adani, de ceux qui le suivent dans la fitna et la transgression. Et ceci, donc, est la préface du grand savant, ce bon conseiller, digne de confiance, Abd al-Rahman, Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, j'atteste qu'il n'y a point d'inimité ni d'adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé, le souverain, le véritable, éclatant, et je témoigne que Mohammed est son serviteur messager. Que la prière et ses éloges d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivent dans la guidée jusqu'au jour de la résurrection. Ceci étant dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: وَالْجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance et ton Seigneur demeure clairvoyant. Al-Furqan, verset 20. Nous avons été éprouvés et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous protéger du vivant de notre cher Mokbil al-Wadi'a rahimallah jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes qui doivent ce qu'ils ont appris à cet institut salafi, béni, Dar al-Hadith, Bidammaj, nous savons comment ont été pris quelques convoitises de ce bas monde, ou se sont laissés leurrer par quelques insufflations de Shaitan, et c'est Allah dont nous implorons le secours. Dernièrement, ce fut le cas d'étudiants de centre d'études, Abd al-Rahman ibn Mar'i et son frère Abdallah ibn Mar'i, ainsi que plusieurs autres étudiants aux intentions malfaisantes contre la prédication de nos plus prédécesseurs, à l'ombre de la fitna des deux précités, ayant été dupés par eux. Tout ceci nous a incité à exposer au grand jour ce que moi et mes frères en Allah présents dans cet endroit et ailleurs avons vu et constaté comme chose infâme et acte relevant de l'esprit de parti répugnant dont une partie est rapportée et mise en évidence dans ce fascicule. Vu que les différentes réfutations écrites sur ce groupe sectaire sont nombreuses et éparses, il est compliqué de se les procurer et les lire tout en demandant du temps et des efforts. C'est pour cette raison que plusieurs de nos respectueux frères prédicateurs, qu'Allah les préserve, se sont chargés de rassembler l'essentiel du sujet à partir de toutes ces réfutations authentifiées et également partir de tout ce dont ils ont eu connaissance et de ce qu'ils ont vécu au cours des calamités de cette Hasbiya. Ils ont donc réuni tout cela dans ce fascicule intitulé donc un aperçu éclaircissant la Hasbiya d'Abd al-Rahman al-Adani et de ceux qui le suivent dans la fitna et la transaction, qu'Allah les rétribue bien, vient de citation de et écrit par Cheikh Yahya ibn Ali al-Hajouri, le 29 du mois de Shawwal 1429, dans l'Hijr, soit en octobre 2008, dans Grégorienne. Alors, cet audio aura pour but, donc, comme j'ai pu le souligner plus haut, ce sera un éclaircissement pour des personnes déjà enraciné dans le Minhaj de Salaf ou pour les gens de la masse en général qui ont des doutes qui ont été émis par certains frères des chouvois, donc des ambiguïtés. Ils disent ce qui est bien dur concernant donc cette fitna qu'ils ont mélangé le vrai avec le faux, en employant certaines ruses, certains compris et mensonges à l'égard de lui, Cheikh Yahya, Wahiro. Et cela démontrera aussi que il n'y a pas que des tourlabs qui peuvent exercer donc ce comportement qui est appelé au bien et de réprouver le blâme comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'ala al-birri wa al-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Donc en soi, je tire toutes ces paroles de sujets bien précis et écrits par nos nobles savants pour des personnes qui auront voulu cette vérité et aiment la vérité et non pas dans le cœur des passions dirigées par les gens ou même par soi-même, car certes comme parle Ibn Qayyim rahimahullah, yani les passions sont divisés en plusieurs parties. Hein? Donc, en soi, les passions, on peut les départager en deux parties. Donc, les bonnes et les mauvaises. Hein? Donc, en soi, les bonnes dans la religion, on se doit de mettre notre avis de côté et de prendre les paroles qui nous vient à l'ombre du Coran et la Sunna. Car c'est sur là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Et sur quoi vous divergez, donc vous avez un jidel, envoyez-le à Allah et son messager. Donc pour celui qui croit en Allah et au jour dernier. Et ceci est la voie des salaf, de prendre la vie le plus juste et le milieu, même si cela va en contradiction avec ce que nous aimons ou on pense. Wallahu a'lam. Alors je vais débuter donc le chapitre de le trame de cette fitna prévue, de ce fascicule. Je dis, nul doute qu'une personne appelant en vain, craignant que ses faussetés ne soient pas acceptées, couvera sa fitna jusqu'au moment qu'elle aura jugé propice. C'est alors qu'elle propagera ce qu'elle souhaitait, conformément à ce que nous a clairement exposé Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole. وهم معهم إذا يبيتون ما لها يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils Allah n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par la science, donc par sa science, ce qu'ils font. وقوله تعالى قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Et dire, jurons par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille, ensuite nous dirons à celui qui est chargé de le venger, nous n'avons pas assister à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. وَإِذَا يَمْقُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَتُثْبِتُوكَ أَوْ تَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْقُرُونَ وَيَمْقُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى a dit dans son livre طبقات الحنابلة tome 1 page 190. Les innovateurs sont semblables à des scorpions. Ils enterrent leur terre, leur tête et leur corps dans la terre et laissent leur queue à découverte. Et dès qu'il leur est possible, ils piquent. De la même façon, les gens de l'innovation se fondent dans la masse, puis lorsque cela leur est possible, ils en viennent à ce qu'ils souhaitaient. Mufazzal ibn Mahlan al-Sa'di rahimahullah dit, si lorsque tu t'asseyais avec un innovateur, il t'informait de son innovation, tu prendrais garde à lui et fuirais de lui. C'est pour cela qu'au départ, il te parle de récits de la Sunna. Ensuite, il introduit son innovation qui peut-être s'ancrera dans ton cœur. Et quand donc en sortira-t-elle? Non. L'imam al-Wadi'i, Shir Muqbil, rahimallahu ta'ala, a dit dans Qarat al-Ashrita ala ahl al-Hizbi, afin ala ahl al-Jahl wa al-Safsata, lorsque le frère Rabi'a, c'est-à-dire Shir Rabi'a al-Madkhali, faqahu Allah, dit que quelqu'un est un hizbi, alors il t'apparaîtra dans quelques temps qu'il est effectivement un hizbi. En effet, le cœur de cette personne est au départ voilé et elle ne souhaite pas être démasquée. Mais une fois qu'elle prend de la vigueur, que des gens la suivent et que la critique à son encontre n'ont plus d'impact, alors elle dévoile ce qu'elle est réellement. Et il dit également, donc dans le même livre, et comme nous l'avons dit précédemment, la personne se dissimule et ne dévoile son sectarisme, donc sa hizbiya, qu'après avoir pris de la vigueur et que les critiques à son égard n'ont plus d'effet. Alors, prochain point, et nous informons en pleine connaissance de cause tous ceux qui lisent ceci, car Abdul Rahman al-Mar'i al-Adani, ainsi que ses confidents rapprochés, tramaient cette fitna. De nombreuses preuves en attestent. Parmi elles, premièrement, Abu Abdallah Muhammad ibn Mahdi al-Qabbas al-Shabwi a dit, une fois nous revenons d'une conférence à Sa'da avec Abdul Rahman al-Adadi, et c'était après le retour de Cheikh Yahya, Allah, de son dernier voyage à Adan. Sadiq al-Abdini, qui était un des collègues et des amis rapprochés d'Abdul Rahman al-Adadi, dit à Abdul Rahman al-Adadi, un très grand nombre de personnes ont assisté à la visite de Cheikh Yahya à Aden. Nous voyons bien notre royaume se bâtir là-bas, c'est-à-dire à Aden. Et Abdul Rahman al-Adani lui répondit, et qu'en sais-tu donc, ô Sadiq? Peut-être que le centre d'études, c'est-à-dire Dammaj, où a-t-il dit la da'wa, va se déplacer jusque-là? En effet, ce centre, celui de Dammaj, est sous la menace de Rafida, branche chiite extrême. Fin de citation. Et ceci fut dit avant la fitna d'Abd al-Rahman al-Adali et celle des Hawthi, donc Rafida. Abu Yusuf, l'américain, a dit, Abdurrahman, Abdallah ibn Mar'i al-Adani m'a dit, il y a divergence entre les savants. Moi, cher Ubayd al-Jabiri, et mon frère Abdurrahman, sommes d'un côté et les savants sont d'un autre côté. Fin de citation. Et cette parole date de bien longtemps avant les troubles. Ou Mohammed ibn Sa'id, ibn Mufleh, et son frère Ahmad, du littoral de Hadramaut, ne rapportent que Salim ibn Mahraz leur a dit en milieu d'année 1423, 3 ans avant la fitna, nous en avons fini avec Abu al-Hassan, c'est-à-dire l'égaré Abu al-Hassan al-Misri, celui que Cheikh Yahya al-Hajouri fut à l'avant-garde pour dévoiler son vrai visage. Combien même d'autres n'osaient se prononcer à son sujet? Ceci donc est à souligner, moi je dis. Ceci est à savoir. Car en réalité, ce fut le premier à se mettre en avant. Alors je continue. Ce qu'il faut souligner et ne surtout pas oublier, et que certains en parlent comme si c'était eux qui l'avaient dévoilé, alors qu'il n'en est rien, l'arme. Certains même à l'époque faisaient son éloge, disant de lui, c'est un imam. Allahu Akbar, je dis. Je continue. Au moment où Cheikh Yahya met en garde contre lui, certains, l'arme, appelaient même à ne pas diffuser de redout, ni les réfutations éclaircissant son cas, ni de cassettes contre lui. Ce qui n'est pas sans rappeler cette fitna. Cheikh Yahya a même fait part que Cheikh Rabi'a, wafaqahullah, lui avait dit, « Oh frère, oh mon frère, tais-toi sur Cheikh Abu al-Hassan, ne parle pas sur lui. » Cheikh Yahya lui répondit, « Oh mon frère, j'ai vu et entendu des choses sur lui. Comment pourrais-je me taire sur quelque chose que j'ai vu et entendu? Wallahi, donc par Allah, je vais éclaircir la réalité de son cas. » Et Cheikh Yahya a parlé jusqu'à épuisement. Il a rapporté un grand nombre de points relevés contre Abu al-Hassan al-Misri. Certains disaient que ce n'était pas des épreuves. Et lorsque Cheikh Rabi'a a parlé à son tour et demanda qu'on l'aide pour éclaircir son cas, ces personnes utilisèrent alors ces mêmes points comme preuve de son égarement de sa hizbiya. Subhanallah. Rapporté dans Nujd al-Tabiyyin, le Jami' al-Mutawaqifin, page 7. Et subhanallah, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas vainement que Cheikh Mohamed al-Imam a dit « Seuls conviennent pour le Jarh wa Ta'dil à cette époque, Cheikh Rabi'a wa Cheikh Yahya. » Wa Abu al-Hassan al-Misri fait par la suite dévoiler devant nous, devant tous, bien après que Cheikh Yahya, que Cheikh Mokbil a très dignement et en toute connaissance de cause placé à la tête de l'Institut afin de lui succéder et montrer la réalité de son cas. C'est une chose que peut-être beaucoup de gens ignorent. Il fallait donc le citer. Ce document permettra également au public francophone, inshallah ta'ala, de mieux connaître Cheikh Yahya que beaucoup méconnaissent. Car beaucoup, je dis, en parlent, le blâme, le traite, le mensonge, traite de mensonge à fond, et parlent mal de lui, déloyalement et malhonnêtement. Alors, que j'en suis sûr que rien que son nom en entier, il l'ignore. Fin de ma parole. Je continue. Sachez également qu'il a été le premier à avoir dévoilé l'égaré Salih al-Bakri. Naam. Également à l'époque, Cheikh Rabi'a avait dit laissez-le. Ne parlez pas sur al-Bakri. Subhanallah. Quant à Cheikh Yahya dit, nous sommes plus connaisseurs de ceux d'ici, c'est-à-dire du Yémen, qui sont pervers. Le maître de la maison étant plus savant de ce qui s'y trouve. Naam. Et nous avons éclairci son cas. Et Allah a préservé la da'wa de ses méfaits. Narré dans le même fascicule, page 9. Alors, je continue. Et donc, sa parole, je vais donc la finir. Nous en avons fini avec Abu al-Hassan, c'est maintenant au tour d'Al-Hajouri, c'est-à-dire Cheikh Yahya. Donc, ceci donc a été narré donc 3 ans avant la fitna. Alors, quatrièmement, par Abu Bilal Khalid ibn Abdar Abudba Amir al-Hadarami, Hadarami, a dit, Abdallah ibn Mar'i a dit que l'on devait craindre Cheikh Yahya pour la da'wah. Ceci en 1422 de Hijr, 4 ans avant la fitna. Et aussi, donc, cinquième point, cinquième personne, Abdallah Hakim ibn Muhammad, Al-Uqayli Ar-Raimi a dit, un frère adonésien est venu demander conseil à Abdurrahman Al-Adani au sujet de l'achat d'un terrain à Dammaj, d'une valeur de 4 millions de riyals yéménites. Abdurrahman Al-Adani lui a dit alors, je te conseille de ne pas l'acheter. Et une fois le frère parti, Abdurrahman Al-Adani me dit alors, conseille cet homme, car il s'agit là d'une grande somme d'argent, et Allah seul sait si Dammaj demeurera ou non. Et il se peut que l'argent de cet homme soit perdu, ou une chose semblable. Cela s'est passé avant la fitna, et Allah est témoin de ce que je dis. Fin de parole. Abu al-Khattab al-Tariq al-Libyen, une des têtes de cette fitna, a dit au frère Ayman le Libyen, avant la fitna, Abdurrahman ibn Ma'i al-Adani va ouvrir un grand institut à Aden, avec des grandes possibilités et des grands soutiens. Il se nommera la ville de la science, il y aura, inshallah, des solutions aux problèmes des étrangers. Et Abu al-Khattab ajouta également, il ne restera plus aucun étudiant à Dammaj. Sixième personne, Wadhad al-Adani a dit au frère Youssouf al-Jazayr avant que n'éclate la fitna, tu vois ces grands professeurs, prétendent-ils, faisant allusion à Yassin al-Adani, Nasser al-Adani, Abu al-Khattab le Libyen et d'autres, tous vont bientôt partir de Dammaj pour aller au nouveau centre d'études à Aden et il ne restera plus aucun d'eux ici. Septième personne, Abdallah ibn Ali al-Razihi rapporte, lorsqu'ils sont venus dans le bus de la Da'wah après avoir tenu des sermons dans la ville de Sa'da, le responsable, étant alors Sadiq al-Abdini, arrivé auprès des demeures des étudiants, Sadiq nous dit, réjouissez-vous, ô habitants de Sa'da, les maisons de Dammaj vont se vider. Je lui dis alors, ô Sadiq, qui t'a dit cela? Il répondit, Cheikh Abdurrahman al-Adani va ouvrir un institut à l'Ajj. Je lui ai dit, est-ce que Cheikh Yahya est au courant de cela? C'est-à-dire que les étudiants vont sortir de Dammaj? Il me dit alors, ainsi qu'à certains frères, soyez témoins que je désavoue ce que je viens de dire. Cheikh Abdurrahman n'a pas parlé de cela et qu'aucun d'entre vous ne rapporte ceci à Cheikh Yahya. Fin de parole. J'ai été très étonné de ces propos, vu que c'était la première fois que j'entendais parler de cette affaire, c'est-à-dire que les étudiants vont sortir de Dammaj, et ceci était avant que Cheikh Yahya ne parle de cette fitna. Huitième personne, Abdallah al-Jahdari, le responsable de l'organisation des cours du centre d'études de Dammaj, qui fut l'un des proches de Abdurrahman al-Adani et le côtoyait, a dit qu'il souhaitait acheter une maison à Dammaj. Abdurrahman al-Adani lui conseilla de ne pas en acheter et lui dit, nous ne savons pas comment les choses vont évoluer et de quoi sera fait le lendemain. Cela eut lieu vers la fin de la fitna d'Abu al-Hassan. La même personne, Abdurrahman al-Adani, conseilla un frère en présence d'Abdurrahman al-Jahdari de la même façon qu'il avait fait avec ce dernier environ 2 ans après. Et aussi, Abdurrahman ibn Ahmad al-Nakhai a dit, je suis parti avec Abdurrahman al-Adani en voiture depuis la ville de Moudiah jusqu'à l'Odara. Abdelbari al-Odari était avec moi. Celui-ci questionna Abdurrahman al-Adani, ô cher Abdurrahman, quelles sont les nouvelles du centre, c'est-à-dire celui au cours de construction dans la ville de Adan? Abdurrahman al-Adani lui répondit, nous nous activons. Abdelbari al-Odari a dit alors, ce sont de bons efforts afin de mettre en terme au travail des agents. Subhanallah. Les agents immobilier à Dammaj. Abdelbari al-Odari se mit à rire et Abdurrahman al-Adani se tue. Et aussi, Abdallah ibn Ali al-Razihi a dit, j'ai voyagé à Dammaj à Sana'a le mois de Rajab 1427 en compagnie de Sadiq al-Abdini, Saïd al-Khawlani ainsi que d'autres étudiants. S'engagea une discussion autour du centre d'études au cours de construction dans un des faubourgs de Sa'da pour l'intermédiaire de Abd al-Raqib al-Alabi, qui s'occupait alors de l'institut de Bayhan. Je leur dis, tout d'abord, Sadiq al-Abdini ne cesse depuis longtemps de sous-entendre qu'une mosquée sunnite allait être construite dans la ville de Sa'da. Deuxièmement, pourquoi serait-elle située loin de la ville? Saïd al-Khawlani se chargea de répondre en disant « Car ce sera un centre d'études où sera construit des logements pour les étudiants. » Je dis alors « Et qui en sera le responsable ?» Il répondit « Moi, toi, lui et lui, parmi les habitants de la ville de Sa'da. » Je dis « Et si nous venions à être en désaccord ?» Il rétorqua « Ne divergeons pas. » Je dis « Pourquoi ne procédons-nous pas dans cette affaire comme de coutume concernant toutes les mosquées sunnites proches de leur institut ?» Et Saïd de répondre « Tu souhaites que Cheikh Yahya dise « Toi, tu ne prêches pas, et toi, tu n'enseignes pas ?» Je lui dis « Mais en précédant de cette façon, nous n'allons pas profiter de l'attestation d'honorabilité de Tasqiyya de Cheikh Yahya, ni de celle de Cheikh Abdallah Aziz al-Bura'i, parmi laquelle l'institut aura un lien avec le Sandar al-Hadith al-Dammaj et sera sous la supervision de Cheikh Yahya. » Lors de la discussion, Sadiq dit « Nous sommes en contact téléphonique avec Cheikh Abdel Raqib al-Alabi, qui nous a dit qu'il allait se rendre auprès de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab. » Je lui dis « Pourquoi donc ?» Il répondit « En vue de l'attestation d'honorabilité pour l'Institut de Sa'ada. » Je dis alors « Cheikh Abdel Raqib al-Alabi nous a dit qu'une seule attestation d'honorabilité suffirait aux Qataris, les financeurs du projet. » Ils répondirent « Au frère, l'attestation d'honorabilité provenant de Cheikh Yahya nous mettrait sous sa commande. » Et les voix s'élevèrent alors, puis chacun retourna dans sa couche. Cette discussion a eu lieu dans la chambre des invités de la mosquée, la Khayr al-Sana'a. Fin de citation. Et Abdallah ibn Ali al-Razihi a dit, Abdurrahman al-Adani avait déjà lui-même évoqué lors de la première réunion des savants d'Ad-Dammaj des choses indiquant que ce à quoi il a procédé et en réalité se soulevait à son tour tel qu'on l'ont fait précédemment ceux qui sont insurgé contre l'institut de Dammaj et son cher. Vu qu'il a dit, je ne vous cache pas qu'après la fitna d'Al-Bakri, des gens sont venus me voir en me disant, Al-Bakri est tombé, c'est à ton tour maintenant d'agir. Comme l'a rapporté Cheikh Yahya, hafizahullah ta'ala. Et enfin, Hussein ibn al-Fahd al-Sulahi al-Yafi'i rapporte Abdallah ibn Salim al-Ratfani, qui fait partie des fervents partisans de Abdurrahman al-Adani, a dit « J'ai quelque chose en moi contre Cheikh Yahya depuis la fitna d'Abu al-Hassan. » Subhanallah. Alors les conséquences de la trame de cette fitna, les changements apparus chez Abdurrahman al-Adani. Alors, parmi les conséquences du complot de cette fitna, est qu'il est apparu chez Abdurrahman al-Adani, un certain temps avant la fitna, un certain nombre de changements. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعامها على قومي حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. C'est en effet que Allah ne modifie point un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est l'audient et omniscient. ومن يؤدي النعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Or, quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il soit parvenu, alors Allah vraiment est dur en punition. Et aussi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens approximatif du verset, il raconte leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devient ensuite du nombre des égarés, et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ses mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques, et qui allaite aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes, et bien racontent le récit. Peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide point les gens pervers. Et parmi les invocations que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre la disparition de tes bienfaits et le fait de devoir changer ta préservation, contre ta brusque punition et contre toutes les manifestations de ta colère. Et ce hadith d'Ibn Omar est rapporté par Muslim. Ou Abdallah ibn Sarjas, radiallahu an, a dit dans un hadith rapporté par Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche protection auprès d'Allah, yuhur, après le cours. L'imam al-Nawawi, rahimullah, a dit dans Riyad al-Salihin, à la suite de ce hadith, les savants ont cité que le sens de hur, après le cours, était le fait de se détourner du droit chemin après l'avoir emprunté, ou d'aller du plus vers le moins, c'est-à-dire de régresser. Wa Abu Bakr, radiallahu an, a dit, je ne laisserai pour rien au monde une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sans que je ne le fasse. En effet, j'ai craint qu'en délaissant une chose de sa religion, de dévier du droit chemin, naam, rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Et parmi les changements constatés de Cheikh Abdurrahman al-Adani, on peut citer, premièrement, Abdurrahman al-Adani ne manquait pas auparavant de tahrir, d'éloges envers Cheikh Yahya, de remercier ses efforts, de reconnaître ses vertus, son profit et le fait qu'il se chargeait de ce qui était obligatoire. Il reconnaissait son aptitude à la justice, à la justesse, et orientait les gens à se rendre auprès de lui. Avant de voyager, il demandait l'autorisation de Cheikh Yahya et venait lui passer le salam lorsqu'il revenait. C'est ainsi qu'il se mit à diffamer Cheikh Yahya en disant qu'il disait des sottises. Donc tout cela disparut et la situation s'inversa. Le frère Kamel al-Adani, Mohamed le Syrien, Tariq al-Ba'adani et d'autres l'ont entendu dire ceci. Lorsque Abdurrahman al-Adani fut informé que Farih al-Harbi diffamait Cheikh Yahya, il dit « Laissez-le donc faire jusqu'à ce qu'il tempère son ardeur à Cheikh Yahya ». Il a dit ceci à Abdussalam al-Shu'aibi al-Yafi'i. Il a également dit que les cours généraux, c'est-à-dire ceux de Cheikh Yahya, ne revêtaient pas un grand profit. Et aussi, ce qu'on peut citer, il s'est également mis à beaucoup bouger les derniers temps, d'une façon attirant l'attention qui ne lui était pas habituelle auparavant. C'est ainsi qu'il se mit pendant les derniers temps à sortir en parcourant de très longues distances en reprenant de la vigueur malgré sa maladie. Alors qu'avant, il prétextait de sa maladie pour ne pas sortir, au point où il n'aidait pas Cheikh Yahya à prendre en charge les lourdes responsabilités de l'Institut, ce qui provoqua même la colère de Cheikh Mukbil, rahimallahu ta'ala. Wa Cheikh Yahya al-Hashidi a dit, lorsqu'il était à l'hôpital à Saoura dans la ville de Sana'a, Cheikh Mukbil, rahimallah, a dit à Abdurrahman ibn al-Mara'i al-Adani, nous voulons que tu aides Cheikh Yahya dans l'Institut. Il va en effet débuter à prendre en charge les responsabilités de la da'wah. Wa Abdurrahman al-Adali a dit, je ne peux pas. Et Cheikh Mukbil de réitérer, Wa Abdurrahman, nous voulons que tu aides Cheikh Yahya dans l'Institut. Wa Abdurrahman al-Adali répondit, encore je ne vais pas, en prétextant certaines choses. Lorsqu'il sortit, Cheikh Mukbil était furieux contre lui, et son visage tout rouge. Fin de citation. Cheikh Mukbil avait l'habitude, lorsqu'il s'énervait, de voir son visage devenir rouge. Ces choses ont été perçues et constatées chez Abdurrahman al-Adali. Mais aussi, s'il se mit également à ouvrir des cours de façon également inhabituelle, vu qu'auparavant, il prétextait de sa maladie. Mais aussi, enfin, il se mit à rapprocher des gens avec lesquels il était en conflit, tel Ali al-Hudayfi, Yassine al-Adani et d'autres, sans que rien ne puisse impliquer cela, tel un arrangement ou un repentir. Abdurrahman disait sur Yassine, il n'a aucun bon comportement et je ne pense pas qu'il soit accordé la réussite. Et Yassine disait sur Abdurrahman al-Adani, il n'est pas pur comme le lait, mais Allah, mais alors, vraiment pas. Il y a plutôt des choses à se reprocher. Et Ali al-Hudayfi ne considérait pas Abdurrahman al-Adani comme un savant. Il critiquait même ses fatwas et disait que vaut donc bien dire les savants d'Arabie Saoudite s'ils savaient que l'on disait que Abdurrahman al-Adani était un savant alors qu'il est encore jeune. Et Abdurrahman al-Adani répondit au sujet de Ali al-Hudayfi lorsqu'on l'interrogea sur lui, Al-Hudaifi a des choses encore pires que cela. Alors, parmi les titres, est l'insurrection d'Abd al-Rahman al-Adani et la division al-Dammaj. Certes, Abd al-Rahman al-Adani a introduit une chose nouvelle dans la da'wa, auparavant inhabituelle dans la da'wa des gens de la Sunna, qui est les inscriptions pour la vente des terres, at-tasjil, que les savants ont pourtant unanimement jugé qu'elles étaient une erreur et qu'il fallait les faire cesser, et que celui qui pouvait récupérer son argent, qu'il le fasse. Ceci après que la situation ne soit aggravée et que la discorde ne soit apparue. Ceci eut lieu lorsque les savants se sont réunis à Damaj et qu'ils aient demandé à Abd al-Rahman al-Adani de venir s'expliquer en face des étudiants. Or, il ne fit rien de tout cela. Après le départ des savants, Yahya ne cessa alors de réitérer la demande, mais il se heurta à un refus. Celui-ci persista dans les inscriptions pour les terres, et n'a fait en retour que preuve de malfaisance contre le shir, comme cela va suivre. Ils aussi, l'enregistrement pour les terres avait lieu comme suit. Enregistrer les noms des mandataires de Abd al-Rahman al-Adani de Dammaj et des autres régions du Yémen pour acheter les terres. Donc, pour acheter les terres afin d'établir un institut avec les terres pour les étudiants, avec une publicité intensive, avant et pendant, avec des prix attractifs et les avantages qui vont avec une durée très limitée d'inscription de 4 jours, et construire les demeures pour y habiter au plus en une année. Et tout cela s'est déroulé sans concertation avec Cheikh Yahya ni aucune permission. Ceci poussa beaucoup d'étudiants à se lancer dedans, séduits furent-ils par les inscriptions. Ceci conduit un grand nombre d'entre eux à sortir de Dammaj, en vendant leurs maisons et leurs biens et se mettant à dos des dettes. Certains s'en allèrent travailler afin de pouvoir payer leurs terres et construire leurs maisons, délaissant pour cette raison la recherche de la science Talib al-Alam. Certains même qui rédigeaient des livres sont devenus perdus, et d'autres se sont exposés à des choses qui portent atteinte à leur dîne. Des exemples à ce sujet sont très nombreux, il serait trop long de les citer, et ce sont des choses qui n'échappent à personne. Parmi ceux-là, Abd al-Khattab, Tariq le Libyen, une des têtes de cette fitna, dit au frère Ayman le Libyen avant la fitna. Abd al-Rahman ibn al-Mar'i, al-Adani, il va ouvrir un grand institut à Aden, avec de grandes possibilités et de grands soutiens. Il se nommera la ville de la science. Il y aura, Inch'Allah, des solutions aux problèmes des étrangers. Abd al-Khattab ajouta également, il ne restera plus aucun étudiant de Dammaj. Et Abu Huraira, les Pakistanais, et d'autres ont cité que les partisans d'Abd al-Rahman al-Adani se rendaient auprès de certains étrangers, les trompaient et leur faisaient des promesses qu'ils allaient obtenir des titres de résidence et des facilités. Tout ceci a poussé notre cher Yahya al-Hafdallah à conseiller, éclaircir et à mettre en garde les étudiants contre cette infâme insurrection. Et le conseil était au départ fait à Abd al-Rahman al-Adani et ceux qui étaient avec lui en secret dans des assises privées. Puis lorsqu'ils persistèrent, cher Yahya al-Hafdallah fut contraint de conseiller les étudiants en public, de peur qu'ils ne s'égarent. Voici la lettre qui lui a été envoyée. Donc la preuve concernant la désapprobation des inscriptions. Il dit « Bismillahirrahmanirrahim » de Yahya ibn Ali al-Hajouri à notre honorable et cher frère Abd al-Rahman al-Adani, ainsi qu'aux autres frères chargés des inscriptions pour la vente des terres. Tasjil, qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd. De très nombreux respectueux frères m'ont informé que vous avez souffert de ce que je dis concernant les inscriptions tasjil dont vous êtes bien au courant. Je souhaitais dans cette présente lettre vous montrer les raisons de ma désapprobation de ces inscriptions précitées auxquelles j'avais fait allusion, si ce n'est même que j'ai clairement exprimé au frère Abd al-Rahman de les délaisser dans cette assise à laquelle ont assisté les honorables frères Kamal al-Adani, Abu Dahda al-Hajouri et Hassan al-Khawlani. Voici, chers frères, certains des méfaits qui me sont apparus dans ces inscriptions. Certains de ces préjudices peuvent se retourner particulièrement contre vous et d'autres de façon plus générale contre la da'wah elle-même. Je demande à Allah l'immense d'ouvrir nos poitrines afin de nous écarter de cela et qu'il fasse profiter par votre intermédiaire l'islam. Ces principales choses sont: premièrement, ouvrir la porte à n'importe qui est un manquement de discernement dans la da'wah. Effectivement, la personne qui achète une terre, même s'il vous apparaît de lui le bien aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri de sa fitna, comme l'émergence de la Hizbiya. Ou autre comme discordance, qui impliquerait forcément de l'expulser et le tenir à l'écart de la da'wah, afin de préserver son territoire sacré. Or, il se peut que ni vous, ni quelconque d'autre ne puissiez expulser et tenir à l'écart celui qui perpétrerait de telles infractions portant à atteinte à vous, ainsi qu'à la da'wah. Ceci se passe de détail, en raison du pouvoir du propriétaire sur sa demeure, sa famille et en raison de ses appuis. Particulièrement dans la ville de Adden dans laquelle règne la liberté, la personne serait prête à ne pas sortir de sa demeure, même si elle devenait en venir avec vous aux plus hautes instances. Deuxièmement, ces inscriptions ouvertes à n'importe qui ont, dès le premier jour, été basées sur la convoitise de quelques biens de ce bas monde. Pour acheter des terres à un prix bas, donc à vil prix, dans une région commerçante, certains même ont clairement exprimé avec leur langue leur intention de n'acheter qu'une terre qu'en vue de la louer ou d'en faire un commerce. Ainsi, cela ouvre également une porte au bien de ce bas monde à des gens dont la da'wah a beaucoup peiné à préparer, à en faire, par la volonté d'Allah, des savants, des gens rédigeant des livres, des personnes authentifiant les hadiths, d'illustres prédicateurs. Et tu sais bien, ô noble frère, que la chaleur de cet endroit requiert un surplus de dépenses pour l'électricité, d'exigences en climatiseur, en fonctionnant nuit et jour, ainsi que d'autres choses permettant de faire face à cette chaleur, ne facilitant pas à être dynamique dans la recherche de la science. Ajoutez à cela les frais quotidiens. Cela exigera des dépenses exagérées alors que l'Institut viendra juste de voir le jour. Donc, ton recours sera soit de rabaisser à certaines personnes qui visent les groupes de Ahl-Sunnah, et cela portera un coup fatal, soit des frères dont on espérait beaucoup de profit pour les musulmans, comme nous l'avons cité, vont s'engouffrer dans la porte du commerce et d'autres activités, qui va les préoccuper et détourner de la recherche de la science. Et si l'un d'eux venait à faire un sermon ou un discours, il se considérait comme étudiant en sciences, alors que cette situation est semblable à celle de la masse des gens. Et tu n'es pas sans savoir que certains frères ici sont dans ce milieu de sciences adaptées que j'ai cité, et nous cessons de les retenir pour qu'ils étudient au lieu de se préoccuper par la dunya. Et malgré cela, certains nous ont quand même échappé. C'est d'Allah dont nous appellerons l'aide. Troisième point, nous avons entendu que certains disaient que ces inscriptions comprenaient un esprit discriminatoire, donc une hizbiya. Ils se servent comme argument que lorsque quelqu'un se rendait auprès de certains responsables chargés des inscriptions pour l'achat d'une terre, il refusait de leur vendre en trouvant certains prétextes. Alors que quelqu'un d'autre pouvait venir au même moment et il lui accorde. Quelqu'un pourrait dire, mais ils choisissent ceux qui viennent le mieux. Mais cela n'excuse pas l'accusation précédente, vu que tous sont dans l'apparence sur la sunna, et aucun savant n'a jugé l'un d'entre eux autrement. Quatrième point, vous connaissez la bénédiction qu'il y a à suivre la voie sur laquelle tous les instituts au Yémen se sont bâtis, comprenant quiétude, préservation et bénéfices éloignés de cette mise en scène. Et vous avez bien vu les premières manifestations des méfaits et des préjudices de ce sectarisme. Ta'assub est le parti pris de certaines personnes à l'intérieur d'une da'wah unique, et comment on les pousse à se révolter et à me désobéir. Or, je me considère ici comme un père pour eux, et également je me voyais ainsi jusqu'à ce qu'ils ne surviennent ces inscriptions. J'ai alors vu et entendu d'eux ce que je n'avais jamais vu ni entendu d'eux auparavant. Je ne pense pas que vous agréez ceci. Si jamais vous l'agréez, alors la rétribution sera en fonction de la nature des œuvres. Cinquième point. Shaitan ayant dressé son étendard sur ces inscriptions, vous avez vu comment cela a attiré les attentions de malfaisants, ce qui a conduit nos ennemis, qui nous ont dans leur collimateur, à se tenir à l'affût. Sixième point. Les problèmes que l'on peut présager comme récrimination contre les guerres, comme il est advenu avec Al-Bakri, donc Salah Al-Bakri, un égaré que Cheikh Yahya a été le premier à démasquer, comme nous l'avons cité auparavant, certains Français l'avaient suivi, ils en ont subi les conséquences. Et ces partisans, dont le poids revient sur le dos de ceux que vous connaissez comme savants de la Sunna, ceux dont vous ne tenez pas en compte le conseil d'aujourd'hui. Or, repousser un méfait prévaut chez les gens de la Sunna sur le fait d'apporter un bienfait. Ceci, si ces bienfaits sont concrets, comment en est-il donc s'ils ne sont que supposés ou illusoires ? Je me suffis de ceci, le temps présent, avec mes conseils répétés que je vous prodigue au noble cher ainsi qu'à nos autres frères signataires de cette ère de présenter vos excuses pour ces inscriptions, de rendre l'argent aux gens, de vous tirer de l'embarras de cette situation critique et nuisible à vous et à la da'wa et de construire un institut béni comme tous les autres centres de la sunna. Ceci en veillant à la fraternité mutuelle et l'amitié entre vous et vos frères, les savants de la sunna et les étudiants. Ceci est un bien plus bénéfique pour votre da'wa que ce que vous regroupez à droite et à gauche sans donner grande importance aux directives des savants. Et après avoir eu ce qu'ils veulent, ils ne vous accorderont pas plus d'importance à plus forte raison. Alors que nous serons pour vous un soutien avec l'aide d'Allah et la réussite provient d'Allah. Écrit par votre frère qui aime le bien pour vous, comme Allah le sait, Yahya ibn Ali al-Hajuri. Fin de la lettre. Et ce qui a été cité, cher Yahya, comme danger à éviter, a certes advenu. Et résultat de cela, l'apparition de l'insurrection de ces gens et le fait qu'ils poussent les gens à renoncer au shir et au centre d'études dans al-Hadith bid Dammaj de façon ouverte et d'autres choses comme cela va suivre. Alors, et la réalité de ces inscriptions pour la vente des terres était Gil maintenant. Le frère Abu Umam Abdurrahman al-Jahdari, Hafzallah, dit Bismillahirrahmanirrahim, le dispositif mis en place par Abdurrahman ibn al-Mara'i pour les terres, d'après ma connaissance, est ainsi. Premièrement, l'accord se passe entre Abdurrahman, ou tout simplement, et les propriétaires de la terre. Un acompte doit être versé à celui-ci, et celui qui se désiste doit payer une amende. Ainsi, l'acheteur doit payer une amende s'il ne souhaite plus acheter et verser le reste du montant de la terre. Son acompte lui est retiré comme amende. Par contre, je ne sais pas quelle est l'amende pour les propriétaires de terres s'ils venaient à renoncer à la vente. Deuxièmement, Abdurrahman al-Adani procédait de la sorte pour se procurer l'argent des terres. Premier point, placer à la tête de chaque région un ou plusieurs mandataires. Deuxièmement, possibilité est donnée au mandataire d'enregistrer un nombre limité à ne pas dépasser de personnes dans sa région afin de permettre l'inscription des gens des autres contrées. Troisième point, le mandataire inscrit les noms et encaisse l'argent de celui qui peut payer immédiatement. Quant à celui qui n'a pas l'argent à sa disposition, il lui a accordé un délai limité. S'il ne paye pas, son nom est barré de la liste ou d'autres procédures de la sorte. Troisième point, ensuite le mandataire envoie l'argent qu'il a perçu en gérant d'Abdurrahman al-Adani à Adan, ville du Yémen ou ailleurs. Cet argent envoyé comprend les acomptes. Cinquième point, Abdurrahman al-Adani et ses compagnons ont été pris de court lorsque les savants ont décidé de faire cesser ces inscriptions. Son entourage a été inopinément surpris lorsqu'il a appris que Abdurrahman al-Adani était d'accord avec cette décision. Du moins, d'après ce qu'il a fait apparaître au départ. C'est ainsi que Hashim Asayid, qui est l'un des gérants d'Abdurrahman al-Adani, l'appela en lui disant « Qu'allons-nous faire en ce qui concerne le reste de l'argent qui doit être versé ?» Il lui répondit « Moi, je n'ai rien à voir avec cela. » Hashim Asayid appela alors Ali ibn Salim al-Adani en lui demandant « Comment allons-nous faire ? Les gens nous réclament leur argent, c'est-à-dire ce qui a été versé en caution et selon l'accord, il ne doit pas être rendu à l'acheteur. Comment faire ? Que vont nous faire les savants ? Allons-nous rentrer en prison ? Qu'allons-nous donc bien faire ? Dire dire abracadabra et tout va sans résoudre. Subhanallah. Sixième point. Puis deux commerçants firent leur apparition. L'un d'eux, d'après ce que m'a informé Abdallah Shahir, se nomme Al-Haddi. Il a acheté le reste de la terre et payé l'argent, tirant ainsi les gérants du pétrin dans lesquels ils se sont enlisés. Abdurrahman Shahir m'a dit, ils ont dit, nous sommes des investisseurs et voulons tirer des bénéfices à la revente. Puis, après cela, est intervenu un frère de Ratfan, qui se nomme Aïdaros. Il cita dans un papier que le dénommé Al-Haddi s'est mis d'accord avec certains mandataires et d'autres, pour qu'on lui remette l'argent. Et il apparaît comme quelqu'un qui allait acheter les terres avec ses propres biens. Nous allons rapporter ce qu'il a exactement dit par la suite. Le frère, le Murtada al-Adani, m'a informé que Ali al-Haddi lui a dit « J'ai acheté les terres ». Murtada lui répondit « Comment prétends-tu avoir acheté les terres alors que tu n'as fait que prendre l'argent des acheteurs, puis tu as payé avec les terres ?» Dis plutôt que tu as empêtré dans la clause stipulant une rémunération et tu as eu peur pour que les acomptes qui ont été donnés ne soient perdus. Et ceci s'est produit après que les savants ont été et ordonné d'arrêter les inscriptions. Et le frère Ali al-Haddi avoua qu'il en était ainsi. Et le frère Ali ibn Salim m'a dit, l'achat de la terre est de 80 000 riyals, mais ce prix n'est pas le prix achat de la parcelle. C'est le prix qu'a fixé Abdurrahman al-Adani, qu'il a modifié, et se vendent également à 100 000 riyals. Ces 20 000 riyals de surplus sont considérés comme un fonds de prévoyance qui pourrait être nécessaire pour certaines dispositions. Sinon, il est dit à leur propriétaire, il vous reste tant. Soit vous le récupérez, soit vous les laissez en don pour la da'wa. Puis, j'ai demandé à certains des frères qui avaient acheté de ces terres à 100 000 riyals. Ils m'ont fait part qu'ils n'avaient pas été informés de ceci et qu'ils n'en avaient aucune connaissance. Quatrième point, avant d'emprunter cette voie, il avait préalablement été proposé à certains frères 200 faddan au prix de 40 millions de riyals. Parmi ces donc 200 faddan, c'est un faddan est une mesure de superficie de 4200 mètres cubes environ. Alors, au prix donc de 40 millions de riyals. Et parmi ses frères, Khalid al-Hatibi, qui dit, il nous a dit, achetez cette terre à ce prix, puis nous la revendrons selon un prix de commun accord entre nous. Et la plus grande part de bénéfices reviendra à l'institut. Nous avons une da'wa à entretenir. Sinon, comment allons-nous donc construire le centre? Ils disent également, nous ne savons pas, il se peut que ce commerçant originaire du Wasab, qui est un commerçant qui s'est engagé à construire la mosquée, change de plan ou ne veuille avoir la mise sur nous. Le frère Khalid dit, quelques temps après, Abdurrahman al-Adani commença les inscriptions. En nous basant sur cette information, nous voyons que le prix auquel Abdurrahman al-Adani a vendu en dernier lieu, une parcelle est de 100 000 riyals. Nous avons également appris que la surface de la terre est de 200 faddan, et un faddan représente 16 parcelles d'après ce qui m'a informé Khalid. Ainsi, après avoir déduit le capital investi de 40 millions de riyals, le bénéfice total est de 280 millions de riyals yéménites. Et il apparaît qu'Abdurrahman al-Adani n'a souhaité qu'aucun n'ait de part. Il a ainsi eu recours pour cela à la voie des mandataires, comme précédemment cité. Et c'est d'Allah dont nous appelons l'aide. Une question se pose, qui a permis à Abdurrahman al-Adani de procéder de la sorte avec l'argent des gens sans qu'ils ne soient au courant? Naam. Cinquième chapitre, les transgressions découlant de l'insurrection des inscriptions. Alors, tout ceci, je dis, peut se voir très lourd et lésant d'écouter tout ceci, mais cela est en vue de pouvoir comprendre correctement et avec détail cette fitna. Non. Qui a émergé de par le nom qui a été suffisamment cité et qui est maintenant connu. Alors je continue. Voici les énormes transgressions et conséquences néfastes qu'ont entraîné les inscriptions vues précédemment pour la vente des terres. Alors, premièrement, donc de ce chapitre, le fait de se liguer et de faire preuve d'esprit donc sectaire ta'assoub, ceci étant le résultat et le fruit de l'esprit de parti, tahassub. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sort de l'obéissance du gouverneur et se sépare de la jama'a, il est alors mort d'une façon pareille à celle de la période anté-islamique, jahiliya. Et celui qui combat sous l'étendard de l'ignorance, se fâchant pour un groupe, ou appelant à un groupe, ou défendant un groupe, puis meurt et est alors décédé d'une façon pareille à celle de la jahiliya. Et celui qui s'injure contre ma communauté, en frappant aussi bien les pieux que les pervers, n'hésitant pas face aux croyants, ne respectant le pacte d'aucune personne, ne fait pas partie des nôtres, et nous le désavouons, rapporté par Muslim, dans sur le numéro 2584. Wa Sheikh Rabi', wafaqahullah, qu'Allah le préserve, a dit dans son livre la condamnation de l'esprit sectaire Ta'assoub et ses conséquences néfastes, à page 10, nous allons traiter d'un sujet grave qui est l'esprit sectaire blâmable et les conséquences qu'il provoque. C'est une maladie chronique qui a ravagé les raisons des peuples, anéanti leurs principes et décimé des âmes. C'est la première maladie qui a touché les créatures. En effet, Iblis, le diable, na'allah, le maudit, est le premier à avoir transgressé sa désobéissance étant en raison de son ta'assoub, donc de son parti. خلقتني من نار وخلقته من تين. نعم, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Et Iblis a fait preuve de sectarisme et s'est enorgueilli de son élément constituant, tout comme le peuple de Noor et d'autres communautés égarées qui ont démenti les messagers, les partis et les groupes, les diverses tendances chez les juifs, les chrétiens, les majous, donc les adorateurs du feu, les indiens. Donc c'est Mushrikoun, ainsi que tous les autres mécréants et idolâtres. Seules ces maladies, cette maladie chronique, les anéantit, qu'Allah nous en préserve. Fin de citation. Ces inscriptions ont engendré chez beaucoup de ces gens et de ceux qui se sont lésés, dupés par ceux Alors, ces inscriptions engendrées chez beaucoup de ces gens et de ceux qui se sont lésés, dupés par ceux qui les élaboraient à un esprit sectaire, à Ta'assoub, et les amenaient à se liguer. Beaucoup de choses en témoignent. Nous allons les résumer dans ces points de façon non exhaustive, car il y en a bien d'autres. Alors, premièrement, les assises secrètes dans les maisons, les champs, les montagnes, les routes, la bibliothèque générale, à diverses heures du jour et de la nuit, et même pendant l'heure des cours des généraux de Cheikh Yahya, qui sont obligatoires pour tous les étudiants, hormis ceux qui ont une excuse. يقول الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم معهم إذا يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas. Et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Ou l'imam Omar ibn Abd al-Aziz a dit, « Si vous voyez certaines personnes s'entretenir au sujet de leur religion à l'écart du reste des gens, sachez qu'ils ont des fondements d'égarement. » Rapporté par Ad-Darimi sur le numéro 310 et Abdallah ibn Ahmad dans Zawahid al-Zuhd sur le numéro 1699 et sa chaîne de transmission est authentique jusqu'à la Awza'i. Ibn Abi Shayba rapporte dans son Musannaf tome 14 pages 567 et 568 d'après lui Ibn Abi Asim dans Al-Muzakkar wa At-Tazkir wa Zikr page 91 avec une chaîne de transmission authentique. Lorsque les gens prêtèrent allégeance à Abu Bakr, radiallahu anhu, après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Ali al-Zubayr et al-Zubayr entraient chez Fatima, radiallahu anha, la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour la consulter et lui demander des choses au sujet de leur affaire. Lorsque Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, fut mis au courant, il se rendit chez Fatima, et lui dit, ô fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, personne ne nous est plus cher que ton père, et personne après lui ne nous est plus cher que toi. Par Allah, il m'est parvenu que des personnes se regroupent chez toi, si elles recommencent, je vais ordonner de brûler leur maison sur eux. Pardon. Lorsque Omar sortit, il et Ali et Zubayr se rendirent chez elle. Elle leur dit, savez-vous que Omar est venu me voir en jurant par Allah que si vous reveniez, il brûlerait la maison sur vous. Et par Allah, il exécutera certes sa menace. Soyez donc raisonnables et partez. Sortez et ne remettez plus les pieds chez moi. Ils s'en allèrent et ne reviennent plus chez elle jusqu'à ce qu'ils aient prêté allégeance à Abu Bakr. Fin de citation. Et cette question a été posée au grand savant Al-Muhaddis Ahmad ibn Yahya al-Najmi. Est-ce que le fait de se rendre avec des jeunes dans des lieux retirés fait partie de la voie des Ikhwan al-Muslimin, Muslimoun, ou en est-il autrement? Sa réponse fut: oui, tout à fait. Cela fait partie de leur voie. Ils disent: nous partons pour lire le Coran ou d'autres genres d'autres choses de ce genre. Ils se rendent ainsi dans la nuit, dans les lieux éloignés, puis ils s'associent et font des chants anachides et d'autres choses de sorte qui sont des innovations. Car si ces gens étaient véridiques dans ce quoi ils appellent, et dans le fait qu'ils ne souhaitent que faire des adorations, il aurait alors fallu qu'ils s'assoient dans les mosquées. Ce que l'on retient est que leurs actes sont très dangereux. Ce genre de personnes, en réalité, ne souhaitent que faire des choses qu'ils ne souhaitaient pas divulguer, et veulent qu'elles demeurent cachées. De façon à ce qu'ils ne peuvent les expliquer clairement qu'à ceux qui sont présents avec eux. Et ils ne peuvent en parler franchement devant un groupe de personnes. Ils ne le peuvent qu'en présence de ceux en qui ils font confiance. Fin de citation. On arrive dans Al-Fatawa Al-Jahiliya, page 64. Et il a également dit: qu'est-ce qui pousse donc à faire les choses en secret, si ce n'est que la da'wa, leur prédication, ne comprend des choses autres que l'apprentissage des préceptes religieux qu'ils souhaitent tenir, dissimuler, afin de parvenir à leur fin. Fin de citation, narrée dans Al-Mawrid, Al-Azab, page 246. Abu Umama, Abdallah Al-Jahdari, Hafdallah, a dit qu'il est un jour parti dans la maison de Ali ibn Salim Al-Adani. Il frappa à sa porte et y sortit et lui dit: Yassine Al-Adani est chez moi et il ne veut que personne ne le voit. Attends ici, je vais faire rentrer Yassine aux toilettes, puis tu pourras entrer dans la chambre. Et il lui ressortira. Ali ibn Salim al-Adani accomplit cette bonne chose, comme il dit. Ainsi, il fait rentrer Yassine aux toilettes. Abdallah al-Jahdani entra dans la chambre, permettant à Yassine de sortir de la maison. Puis Abdallah al-Jahdari demanda au propriétaire de la maison: pourquoi Yassine ne veut-il pas qu'on le voit? Il répondit: je ne sais pas. Subhanallah. Et ces faits ont été constatés chez ceux qui se sont insurgés dans cette fitna, à maintes fois. Premièrement, Abu Bakr Anwar ibn Ali al-Wadi'i, hafzallah, étudiant et également garde veillant au centre d'études d'Ar al-Hadith bidammaj, dit: il dit, lors de cette fitna, au cours de notre inspection pour trouver ceux qui ne se rendaient pas aux cours généraux obligatoires sans aucune excuse, nous avons découvert certaines choses. Une fois, nous sommes rendus entre la prière de Maghrib et du Aïcha, pendant l'heure du cours général du soir, où on étudie en fonction Sahih Muslim, Sunan al-Sughra al-Bayhaqi, Iqtidaa fi as-Sirat al-Mustaqim de Cheikh Islam al-Taymiyyah, An-Nunayyad ibn al-Qayyim, et autres, dans la maison de Nasser al-Adani, le propriétaire de l'épicerie, car on nous informait qu'il se regroupait pendant l'heure du cours général obligatoire. Je frappai à la porte et ils m'ouvrirent pensant que j'étais un des leurs. Bien heureusement, la chambre était en face de la porte. Je les ai ainsi trouvés en compagnie d'Indonésiens, parmi eux Abu Taïba et d'autres bien connus. D'autres les ont également découverts, tels que Sayyid ibn Hadi al-Wadi'i, Abu Hamoud, qui faisait partie des gardes veillants au centre d'études, qu'Allah les préserve, regroupés dans les champs, ne faisant preuve d'aucune pudeur devant les femmes qui y travaillent. Parmi eux, Yassine al-Adani, Ahmed Mishbah, Abu al-Khattab, le Libyen, Mohamed Ja'far et d'autres bien connus. Le frère Faris ibn Ali al-Wadi'i, un des gardes veillants au centre d'études qu'Allah les préserve, les a trouvés une fois dans la bibliothèque générale pendant l'heure du cours de Asr, s'étant enfermé, en train de rigoler, se moquer et tourner en dérision les paroles de Cheikh Yahya, Hafdallah, parmi eux, Ahmed Mishbah, Mohamed Ja'far et Yassine al-Adani et d'autres. Et une fois, nous les avons trouvés regroupés dans une chambre proche de la salle de prière des femmes, pendant l'heure du cours des Dohr, n'éprouvant aucune pudeur devant Allah. Parmi ceux-ci, Abu al-Khattab le Libyen, Yassine al-Adani, Ahmed Mishbah, Mohamed Ja'far et d'autres. Ces faits sont très nombreux, indiquant que c'est une exécrable exécrable Hizbiyah, vu qu'à chaque fois qu'ils savaient que nous les avions à l'œil, ils se rendaient dans un endroit à un autre, se cachant comme des voleurs. Fin de citation. Aussi, le frère Faris ibn Ali al-Wadi'i a également dit que Qaïd ibn Ali al-Wadi'i l'a informé qu'il ne cessait de passer devant un groupe de frères français qui se regroupaient dans l'obscurité pendant l'heure des cours. Aussi, le frère Amir al-Saqtari hafzallah, rapporte que lors de la dernière nuit que Yassine a passé à Dammaj, avant qu'il ne parte, certains étudiants se sont réunis avec lui jusqu'à 1h du matin. Fin de citation. Et aussi le frère Shahib At-Ta'izi a dit un jour Yassine al-A'dani et moi sommes rentrés dans la maison d'Abdurrahman Shattan, mon épouse et la sienne se trouvaient également dans sa demeure. Abdurrahman Shattan insista pour que nous restions dîner chez lui. Celui-ci disait au frère Yassine, je vous en prie, ô cher, asseyez-vous avec nous, ô cher, en lui donnant de l'importance, le gonflant. Et il en est ainsi, ô cher, ô cher. Et il était un adepte endurci de Yassine à cette époque-là. Yassine al-A'dani dit alors, Cheikh Yahya dit, nous sommes avec les savants. Mais où est-il donc par rapport aux savants? Puis s'est suivie une discussion entre lui et son collègue de l'époque, Abdurrahman Shattan. Yassine al-A'dani dit, celui-ci n'est qu'un stupide en désignant le frère Mazin al-A'dani. Peu après, Mansour al-A'daini et Yahya al-A'imarani entrèrent tous essoufflés. La première chose que dit Mansour en entrant fut « Fermez donc les fenêtres pour que personne ne puisse entendre. » Il fut sujet au cours de leur discussion qu'il devait se rendre auprès du frère Mohamed Hassan Arani pour se rendre chez les gardes. Mansour dit « Nous devons nous rendre chez lui avant qu'il ne se regroupe avec ses amis. La guerre est faite de ruses. » Il a également dit, lui ou Yahya al-A'imarani, « Nous voulons que ces paroles ne parviennent à personne. » Et aussi le frère Shahib a également dit, « Un jour j'étais de garde sur la montagne avec Arif al-Sami'i, Abdillah al-Shara'abi et Mu'adh al-Duba'i. Nous avons vu Yassine al-A'dani, Ahmad Mishbah, Mohamed Ja'far Sindh et d'autres. Ils étaient environ une vingtaine à l'heure du cours sur la montagne, assis en cercle en train de discuter. » Ceci jusqu'avant le Maghreb. Il dit également, ce groupe s'abstenait et refusait de se rendre au cours. Lorsque nous sortions du cours, nous les trouvions en train de sortir des maisons, l'un passant par la montagne, l'autre par les champs, pour que les étudiants ne puissent pas les voir. Et aussi Othman al-Jaziri, qui fait partie des partisans acharnés Mouta'assib d'Abdurrahman al-A'dani, a dit en présence de plusieurs étudiants algériens, ils, c'est-à-dire les partisans d'Abdurrahman al-A'dani, prenait des confidents intimes, khawas, dès qu'ils se rapprochaient. Je faisais moi-même de ces confidents particuliers au point où ils m'ont placé comme intermédiaire entre eux et les frères algériens. Ils m'interrogeaient sur eux, ils avaient ainsi confiance en ceux dont je faisais l'éloge et se méfiaient de ceux contre lesquels je prévenais. Lorsque je me rendais auprès d'eux avec certains Algériens, ils me faisaient un signe en guise d'interrogation à leur sujet. Il a également dit, c'est la raison pour laquelle Yassine al-A'dani, Nasser al-A'dani et Abou al-Khattab, le Libyen, ont dit à Cheikh Yahya, lorsqu'il les a convoqués, « Tu n'as aucune preuve contre nous, car ils ne s'entretenaient qu'avec les confidents rapprochés. » Et aussi, le frère Abou Adardah, Mohamed ibn Hussein al-Hajouri, s'est rendu à l'heure du Asr dans la maison de Abdurrahman al-A'dani pour récupérer, sur demande de notre Cheikh Yahya al-Hajouri, la réponse à une lettre qui lui a été envoyée au début de la fitna. Celui-ci lui dit, reviens après le Maghreb. Lorsque je reviens, il me dit, reviens après l'Aïcha. Lorsque je reviens, il me dit, reviens après 2 heures. Et lorsque je reviens, il me dit, reviens après 1 heure. Lorsque je reviens, il me dit, reviens après 1/2 heure. Lorsque je reviens, il me dit, reviens après 1/4 heure. Et pendant que j'attendais, je voyais Abdurrahman al-Kharifi, qui fait partie des partisans acharnés de Abdurrahman al-A'dani, qui ne cessait de rentrer et de sortir de sa demeure. Abu Adarda dit, j'ai senti qu'il y avait d'autres gens à l'intérieur. Et Abdurrahman al-A'dani ne m'a pas convié à entrer dans la maison malgré les pénombres de la nuit et l'endroit désert. Fin de citation. Fin de parole. Enfin. Et aussi le frère Abu Abdillah Aïdaros ibn Nasser al-Radfani, qui a le préserve dans un de ses publiés intitulé « Les débuts de la déviation », les savants se sont réunis à Dammaj. Qu'Allah préserve cet endroit, le 13 du mois, Jumadil Akhira, 1427, soit en 2006, ils ont dit qu'il fallait cesser les inscriptions au centre de Fayouche. Est-ce que le représentant de la ville de Ratvan, Abdallah ibn Salim, a pris en notre représentant en considération la fatwa des savants ou non? Et a-t-il restitué l'argent à leur propriétaire, à Ratvan ou non? Notre représentant a chargé son frère Mouad des inscriptions. Nos inscriptions ont eu lieu au mois Jumadil et l'argent est demeuré chez Mouad. Puis à la fin du mois de Sha'ban, Mouad voulut envoyer l'argent à El-Haddi, le responsable des terres. J'ai alors conseillé Mouad en lui disant que ceci s'opposait à la fatwa des savants. Il n'y prêta pas considération car il n'était qu'un exécuteur. Je dis, avez-vous la fatwa des savants? Il répondit non. Je lui dis, qu'a donc dit Abdurrahman al-Adani? Il répondit, j'ai téléphoné à Cheikh Abdurrahman al-Adani et il m'a dit que les informations étaient en possession de Abdallah ibn Salim. Et celui-ci a dit que les informations étaient en possession de Mohammed ibn Abd al-Qawi. Oh, comme cela est étonnant! Quelle est donc cette affaire de renvoyer à chaque fois la balle du camp d'un autre? Patientez et vous comprendrez. Puis j'ai appelé Abdurrauf Ratfani. Après avoir discuté avec lui, il m'a dit que les informations provenant des savants chez Mohammed ibn Abd al-Qawi. Or, je ne connais pas ce Mohammed. Mais vu qu'apparemment c'est lui qui les détenait et qu'on disait de revenir à lui, je pris son numéro et l'appela. Mais ne parvint point à le joindre, je décidai alors d'appeler Cheikh Mohammed al-Iman et lui dit, oh cher, nous sommes inscrits il y a 2 mois. L'argent est toujours en possession d'Abdallah et nos terres ont été délimitées. Faut-il payer la reste de nos sommes? Le cheikh répondit, nous sommes réunis à Damesh et nous avons prévenu Abdallah que les inscriptions devaient cesser et que l'argent qui restait en possession des frères devait leur être restitué. Il ne faut donc pas payer et il faut restituer l'argent aux frères. Après ceci, j'ai informé le chargé de notre représentant, Abdurrauf. Ils n'y prêtèrent aucune attention et continuèrent. Puis j'appelais Mohammed ibn Abd al-Qawi al-Qayrahi, celui cité précédemment, censé détenir les informations dans la ville de Marbar. Et dit, rendez l'argent à Al-Haddi et réunissez-vous en secret. Nous sommes réunis à Marbar en secret et avons appelé les frères à la ville Yafia, en leur demandant également de se réunir discrètement et vous également. Et il parla sur Cheikh Yahya et dit, Cheikh Yahya est contre le centre, mais celui-ci se mettra en place. Oui, il se mettra en place. Après cela, le frère Abdurrauf m'appela et m'informa qu'il a appelé lui-même Cheikh Mohammed al-Imam et Cheikh al-Bura'i, qui lui ont dit, n'achetez pas les terres et restituez l'argent aux frères. Ils n'en firent aucun cas et persévérèrent à agir en contradiction avec leur décision. En effet, Abdurrauf est quelqu'un affecté par la fitna. Maftoun Yanin de Mouaz est un exécuteur et Abdallah est le commanditaire et la tête de la fitna de la ville de Ratfan. Telle est l'histoire. Ainsi, cette affaire est depuis le départ bâtie sur la contradiction aux savants, les plans secrets s'opposant à la vérité et la perfidie. Comment sera donc la fin? Jusqu'à la fin de ses propos. Et parmi les preuves de l'ardeur avec laquelle ils se liguent en clan et font preuve d'esprit de parti, on peut citer le frère, parmi ces preuves, premièrement, le frère Suhaib al-Ta'izi, un des étudiants de Damaj, est parti conseiller Nasr al-Zaidi al-Adani, un des fervents partisans de Abdurrahman al-Adani, faisant partie de ceux qui ont arrêté d'étudier à Damaj de leur propre gré. Il est donc parti le conseiller de délaisser l'esprit de parti et la fitna. Nasser al-Zaidi al-Adani lui répondit alors, c'est une croyance que je n'arriverai pas à délaisser. Fin de citation. Deuxième preuve en cela, un groupe de frères algériens ont fait une assise avec Ratman l'Algérien. Peu avant qu'il ne parte de Damaj, expulsé en raison de son sectarisme acharné, afin de le conseiller. Il a alors reconnu s'être lancé dans la fitna et a promis de démontrer la réalité de ces gens, les gens de la fitna. Il a ajouté après cela, c'est une croyance gravée dans mon cœur, je ne peux m'en défaire. Fin de citation. Et aussi le frère algérien Hassan de Constantine a conseillé Riyad al-Anabi, l'Algérien, après être parti de Damaj de son propre choix, de se repentir et de revenir à Damaj afin d'y rechercher la science. Celui-ci lui répondit, comment pourrais-je me repentir alors que c'est une croyance ancrée dans mon cœur? Fin de citation. Et dernièrement, Abu Abdurrahman, Abdallah l'Américain, a dit, Cheikh Yahya fait montre d'excès. C'est une chose que je crois dans mon cœur et je ne peux m'en débarrasser. Fin de citation. Et la cause de tout cela, on peut en dire, c'est le fait d'inciter les étudiants à se soulever et à s'insurger contre Cheikh Yahya, les attirer et les pousser à se séparer de lui. Voici à titre d'exemple quelques témoignages. Premier témoignage, on peut citer le frère Ahmad El-Shu'aibi, a dit, lorsque Cheikh Yahya a parlé au sujet des inscriptions pour la vente des terres, je me suis rendu chez Abdurrahman Al-Adani et j'ai demandé à m'asseoir avec lui. Il s'excusa en disant qu'il était occupé. J'ai alors insisté, mais il a refusé. Puis je décidai de lancer le sujet en disant que j'étais chez Cheikh Yahya et lui raconta ce qu'il y avait entre moi et le cheikh. Il, le frère Ahmad, dit, il se mit alors à changer et à blêmir de rage en disant, « Oh Ahmad, vous êtes avec celui qui est sur la chaise, c'est-à-dire le cheikh. Il nous était pourtant parvenu que tu étais des nôtres. Et maintenant, la situation a changé. » Puis il dit que les stratagèmes sont voués à l'échec. Et il cita des versets concernant la duperie. Il cita également que Falih al-Harbi et Salih al-Baqri sont tombés à cause de leur injustice et car ils ont parlé sur les gens de science. Je compris qu'il visait Cheikh Yahya en citant des versets de la duperie. Puis il me dit en menaçant, « Oh Shu'aibi, les savants vont venir demain, donc je ne te veux pas te voir indécis. » Par Allah, c'est ce qui s'est passé et je pense que j'ai dû omettre certaines choses tellement Abdurrahman al-Adini a tenu des propos tellement il m'a lancé d'attaque. Il continue à parler avec moi après d'une demi-heure en diffamant et lançant des piques alors que j'étais tellement stupéfait et confus de voir de telles paroles provenir de lui. Par Allah, mon but n'était que le conseil et tenter d'unir les voix. Et Allah est garant de ce que j'ai dit et il nous suffit. Et aussi le frère Kamal al-Adani a dit lorsque je me suis rendu auprès de Abdurrahman al-Adani avec l'intention de conseiller les choses entre lui et Cheikh Yahya, il me dit « Oh Kamal, depuis un an, tu as beaucoup changé. Oui, depuis que tu t'es rapproché de Cheikh Yahya, tu as changé. » Je lui répondis « Oh Cheikh, comment ai-je changé? Par Allah, je ne fais que me rendre à la bibliothèque, chez moi et à la mosquée. N'est-ce pas le conseil que tu m'avais donné ?» Il rétorqua « Mais Kamal, il est apparu un changement évident de ta part et les fréquentations d'une personne influant sur lui. » Je lui dis alors « Oh Cheikh, comment ai-je changé ?» Et bon, il me répondit « Oh Kamal, Cheikh Yahya ne prête pas attention aux Adani, donc les habitants de la ville de Adan, et n'en fait en aucun cas. » Le Cheikh parle sur les femmes de Adan. Quel prédicateur tient de tels propos? Fin de citation. Et aussi le frère Abdallah al-Jahdari a dit, Abdurrahman al-Adani convoqua Ali ibn Salim al-Adani, et ce après que Cheikh Yahya ait parlé au sujet des inscriptions pour la vente des terres. Il le conseilla et lui demanda d'éclaircir la réalité de ces listes d'enregistrement et de lui répondre. Ali lui répondit, moi je ne veux pas m'attaquer à l'honneur de Cheikh Yahya. Il lui dit alors, personne ne te demande d'attaquer l'honneur de Cheikh Yahya, mais il était obligatoire d'éclaircir. Ali ibn Salim dit, Yassine et Ahmad Mashbah sortirent alors chez Abdurrahman al-Adani avec l'intention d'éclaircir. Fin de parole. Et aussi, lorsque certains étudiants, Tariq al-Ba'adani, Mohamed le Syrien et Mohamed le Jordanien, se rendirent auprès de Abdurrahman al-Adani pour lui faire parvenir le conseil de Cheikh Yahya, son visage devint rouge et il se mit en colère et dit, qu'est-ce que donc ces stupidités à croire qu'ils vont... Il vous a convaincu, il vous a influencé. Puis il dit, je me considère comme le plus faible du centre et Allah va me donner la victoire. Fin de citation. Aussi, Zakaria al-Yafi'i a dit, ô Cheikh Abdurrahman, le journal Al-Balagh a cité qu'il y avait une discorde entre toi et Cheikh Yahya. Il faudrait que tu leur montres qu'il n'y a pas de discorde entre vous. Il nous regarda alors de façon furieuse et dit, allez conseiller Cheikh Yahya. Je lui répondis, mais le conseiller sur quoi donc? Et dit, sur tout ce qu'il a en tête et sur lequel il a parlé du haut de sa chaise. Non. Je lui dis, ô cher, le journal Al-Balagh dit en ce moment qu'il y a une divergence entre vous. Il faut donc absolument clarifier cela car la revue a cité votre nom. Il répondit, ces journaux sont mensongers, il ne faut pas en tenir compte. Ces propos ont été tenus lors de son cours à la Umdatul Kubra ou Ayat al-Ahkam et tout ceci est enregistré. Il n'a même pas apporté de rectificatif à ce qu'a dit le journal. Il n'a même pas dit non, il n'y a pas de discorde entre nous et nous sommes frères. Fin de parole. Et dernièrement, le frère Ismaël al-Adani Hafiz Allah rapporte qu'Abd al-Rahman al-Adani lui a dit « Reste donc avec tes frères, je dis d'accord, Inch'Allah. » Abd al-Rahman dit alors « Il ne suffit pas de secouer ta tête, je le veux sérieusement. » Cet échantillon cité à titre d'exemple, non de façon exhaustive, prouve de façon claire qu'Abd al-Rahman al-Adani incite les étudiants à se liguer, à s'insurger, à faire preuve de ta'assoub et à se séparer du shir. Sinon, quelle est la raison qui les pousse à cela et comment cela s'explique-t-il? Voici une parole profitable de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme cité dans son recueil de fatwa, tome 20, page 164. Il n'est permis à personne de placer dans la communauté une personne qui appelle à sa propre voix, par laquelle on prend en amitié ou en inimité, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme il n'est permis à personne de leur ériger une parole par laquelle on prend en amitié ou en inimité, autre que la parole d'Allah et de son messager, et sur quoi la communauté est unanime. Cela fait plutôt parmi des œuvres des gens de l'innovation, ceux qui élèvent une personne ou une parole par laquelle ils divisent la communauté. Par cette parole ou cette attribution, ils prennent en amitié ou en inimitié. Fin de citation. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit également, comme cité dans son recueil de fatwa, tome 24, page 15, si l'enseignant ou l'instructeur a ordonné de couper contact avec une personne, ou d'en faire peu de cas, ou de le faire tomber, ou de le tenir à l'écart, alors on regarde son cas. S'il a commis un péché dans la législation, il se doit d'être puni en fonction de l'ampleur de son péché, sans plus. Mais s'il n'a pas commis de péché dans la législation, il n'est pas permis de le punir par quoi que ce soit dans l'intérêt de l'enseignant ou d'un autre. Il n'est pas permis aux enseignants de les léguer des gens en partie ou causer ce qui sèmera l'hostilité et la haine en leur sein. En contraire, il se doit d'être tel des frères qui s'entraident dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et s'il survient un différend ou une querelle entre un enseignant et un autre, ou un autre étudiant et un autre, ou entre un enseignant et un étudiant, il n'est pas permis de soutenir l'un d'entre eux jusqu'à connaître la vérité. Il ne faut donc pas soutenir par ignorance ni par suivi des passions, il faut plutôt examiner l'affaire. Et lorsque la vérité apparaît, il faut alors soutenir celui qui a raison contre celui qui en a tort. Qui en tort. Que celui qui a raison fasse partie de ses amis ou d'autres. Que celui qui en tort fasse partie de ses amis ou d'autres. Naam. En effet, le but de cela est l'adoration d'Allah seul, l'obéissance à son messager, le suivi de la vérité et observer strictement la justice. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, « Ya ayyuha allazina amanu, kunu qawwamina bilqist, shuhada'a lillahi walaw ala anfusikum, awil walidayna, wa alqaribina, in yakun ghaniyan aw faqira, fallahu awla bihima, fala tattabi'u alhawa an ta'dilu, wa in talwu aw tu'ridu, fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. » Ô les hommes, ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leur intérêt que nous, que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. On dit, Lawa yalwi lisanahu. Donc, rouler sa langue. C'est ainsi donner une information mensongère. Et elle, le fait de se détourner, c'est le fait de cacher la vérité. Celui qui tait la vérité est un shaitan muet. Naam. Et celui qui penche du côté de son compagnon, que la vérité soit de son côté ou contre lui, a ainsi jugé à la manière de la jahiliya, donc à l'époque pré-islamique, et aller à l'encontre du jugement d'Allah et de son messager. En effet, il est obligatoire à l'ensemble d'être tous unis avec celui qui a raison contre celui qui a tort. Ainsi, celui qui est le plus considéré auprès d'eux se doit d'être celui qu'Allah et son messager ont honoré. Et celui qui doit être mis en avant auprès d'eux se doit d'être celui qu'Allah et son messager ont fait prévaloir. Et celui qui doit être aimé auprès d'eux se doit d'être celui qu'Allah et son messager aiment. Et celui qui est rabaissé auprès doit être celui qu'Allah et son messager ont rabaissé. en fonction de ce qu'Allah et son messager agréent, nous en fonction des passions. Celui qui obéit à Allah et son messager est certes guidé, quant à celui qui désobéit à Allah et son messager, il ne fait de tort qu'à lui-même, tel est le principe de base sur lequel il se fonde. Dès lors, plus besoin de se diviser et de se liguer en partie. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a'an laysta minhum fi shay'. » Ceux qui émettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمَا عَذَابٌ عَظِيمٌ » Et ne soyez point comme ceux qui sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Et si une personne instruit un homme, celui-ci reconnaîtra sa part de bienfaisance envers lui, et lui en sera reconnaissant. Ainsi, personne ne s'apparentera à la Qit ni à Saqil. Il n'y a aucun autre nom de la Jahiliya, époque pré-islamique. Ce qui a engendré tout cela est le fait que l'enseignant veuille à tout prix que son élève soit d'accord avec lui selon ce qu'il souhaite. Ainsi, il prend en amitié celui qui en fait de même, et prend en inimitié celui qui en fait de même, de façon absolue. Or, cela est interdit. Il n'est permis à personne d'ordonner cela à quelqu'un et personne ne doit le consentir. C'est plutôt la sunna qui doit les regrouper et al-bid'a, l'innovation, qui mènera à les diviser. L'application de l'ordre d'Allah et de son messager les regroupera. Et la désobéissance à Allah et son messager les divisera jusqu'à ce que les gens soient des adeptes de l'obéissance à Allah ou des personnes enfreignant son ordre. L'adoration ne doit être vouée qu'à Allah seul, et l'obéissance absolue ne doit être qu'à Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Et ils se doivent de s'enjoindre mutuellement le convenable et interdire le blâmable, et ne pas laisser en leur sein une personne faire preuve d'injustice ou de perversité, ni laisser un enfant, un berbe, dévoiler ses charmes, ou ce qui pourrait éveiller le désir des gens, ni fréquenter celui dont la fréquentation pousserait les gens à te suspecter, ni honorer dans un but néfaste, et celui qui se ligue à une personne en prenant en amitié celui qui en fait de même avec lui, et prenant en inimitié celui qui fait de même avec lui, fait partie de la catégorie des tatars combattant dans le sentier des shaitans. Ce genre de personne ne fait pas partie des combattants dans le sentier d'Allah, ni des troupes des musulmans. Il ne leur est pas permis de faire partie des troupes des musulmans, et ils font en contraire partie des troupes des shaitans. Ce qui serait correct est que l'enseignant dise à son disciple, « Il est de ton devoir de remplir l'engagement d'Allah et son pacte, prendre comme allié celui qui prend allié et Allah et son messager comme allié, et prendre en inimitié celui qui prend Allah et son messager en inimitié. » Et qu'il lui dise également, « Il faut s'entraider dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de piété. » Non pas s'entraider dans le péché et la transgression, et si la vérité est de mon côté, secours la vérité. Mais si je suis en erreur, ne secours pas l'erreur. Celui qui s'en tient à ceci fait partie des combattants dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui veulent que la religion soit entièrement vouée à Allah et que la parole d'Allah soit la plus haute. Fin de citation. Alors, quatrième point du cinquième chapitre. Nous pouvons tirer, provoquer la division au sein des étudiants et des gens de la sunna. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَرِحُونَ. Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien, leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أدى في son livre intitulé الموافقة tome 6 page 53. La plupart des gens occupés par des sciences dans lesquelles il n'y a aucun profit religieux qui seront cause de les faire plonger dans les fitnas et de faire dévier du droit chemin, et verront la divergence et la discorde surgir entre eux menant à la division, à voir les gens se tourner le dos et l'esprit sectaire au point de se divertir en partie. Et s'ils en viennent à cela, ils sortiront de la sunna. Fin de citation. Wa Imam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala a également dit dans Al-I'tisam, page tome 2, page 231, ils, les gens de l'égarement, ont des caractéristiques et des signes distinctifs par lesquels nous les reconnaissons. Ces signes distinctifs sont soit d'ordre général, soit détaillés. Les signes d'ordre général sont trois. L'un d'eux est la division, sur laquelle la parole d'Allah a attiré l'attention. Après avoir cité des preuves, il dit « Cette division est celle qui transforme un seul groupe en plusieurs groupes et un seul parti en plusieurs parties. » Fin de citation. Parmi ce qui a provoqué cette insurrection, celle des inscriptions pour les terres citées auparavant, la discorde et la divergence entre les étudiants, et également les autres gens de la sunna, Abd al-Rahman al-Adani et ses comparses s'activant à cause de tout cela. Nous pouvons résumer ceci dans ce qui va suivre, Al-Hajr. Donc, le fait de couper toute relation avec quelqu'un, dont voici quelques témoignages. Le premier, le frère Amin Mashbah a dit dans une lettre qu'il a envoyée à certains amis que le frère Saïd ibn Da'as ne passe pas le salam à Cheikh Yahya, tu commettrais un péché. Deuxième personne, Abu Bilal al-Hadarami rapporte, Abbas al-Jawna m'a dit, Hassan Bejba, un des fervents partisans d'Abd al-Rahman al-Adani, est venu me voir en me disant, prends une terre à Fayouche, le centre d'Abd al-Rahman al-Adani. Je lui ai répondu, je n'en veux pas, je suis à Damage. Il insista, il me dit, nous t'aiderons et t'assisterons. Je lui ai répondu, oh mon frère, votre façon d'agir ne me plaît pas. Et voilà que le jour suivant, Abd al-Rahman al-Adani passa devant moi, son attitude ayant changé, ne m'adressant même pas la parole. Troisième personne, Hamoud al-Waidi rapporte, pendant le mois de Ramadan, j'ai passé le salam à Abd al-Rahman al-Adani, peu avant qu'il soit expulsé de Damage. J'ai à ce moment entendu sortir de sa poitrine un vrombissement et il a repoussé ma main. Non. Cinquième personne, le frère, ou quatrième, le frère Abd al-Rahman ibn As al-Yafi'i, un des étudiants de Damage, rapporte, je suis entré dans la bibliothèque générale au moment où Fahd al-Adani disait à Yassine al-Adani, toi le petit homme, tu as réussi à le tourmenter. En parlant de Cheikh Jamil al-Salwi, pendant le cours général où il suppliait Cheikh Yahya qui avait voyagé. Ceci car Cheikh Jamil al-Salwi avait évoqué pendant le cours la fraternité et le fait de se passer le salam en s'étendant sur le sujet. Et juste avant cela, Sayyid al-Adani, qui est un des plus acharnés partisans de Abd al-Rahman al-Adani, lui avait fait le hajar, couper les relations avec lui. Et dernière personne, le frère Khalid al-Ta'zi s'est rendu à Adan car il y était invité. Il donna un sermon dans la mosquée dite Masjid al-Sahaba sur demande de l'imam de la mosquée. C'est alors que Abd al-Rahman al-Adani se leva et fit un signe à ceux qui étaient dans la mosquée leur signifiant de sortir, au point où il ne resta qu'un très petit nombre de personnes. Naam. Des frères qui étaient présents en témoignent, naam. Et ceci était un bref échantillon de leur hajr, de leur boycott. Sinon, cela est très nombreux. C'est une chose qui s'est répandue au sein des étudiants et Allah est leur juge. Et ils multiplièrent leur boycott contre ceux qui n'étaient pas d'accord avec leur esprit sectaire à Ta'assoub et ne se joignaient pas à leur rang depuis le début de la fitna. Alors que dans le même temps, les frères ne se sont pas comportés ainsi avec eux. Et notre cher a incité à la concorde et a conseillé de ne pas se faire de hajr, même avec ceux qui avaient pris parti pour Abd al-Rahman al-Adani et les défendaient avec acharnement. Alors, sixième point parmi le cinquième chapitre, semer la confusion à Damage et causer la divergence et la division. Voici quelques témoignages et preuves à ce sujet. Lorsque les inscriptions pour la vente des terres ont débuté, des choses malfaisantes sont apparues, contraires à la quiétude. Des regroupements et des discussions au sujet des terres, que ce soit dans les rues, des assises privées, après les prières et même lors du cours général de notre cher et après, ils se regroupaient même avec Abd al-Rahman al-Adani à l'heure du cours général de Cheikh Yahya. Hafizahullah, ils sont devenus préoccupés par cela, au lieu de se préoccuper par ce quoi, pourquoi ils étaient venus, la recherche de la science, Tawalib al-Alim. Ils aussi, le frère Amin al-Kharifi, lorsqu'il se désengagea du clan d'Abd al-Rahman al-Adani, en montrant comment il était et combien il était un fervent adepte de la Hizbiya d'Abd al-Rahman, Ibn al-Mara'i al-Adani. Il dit, ô cher Yahya, je m'excuse et te demande de me pardonner. Effectivement, j'étais le plus dur d'entre eux et ils étaient fiers de moi. Ils disaient par Allah, Amin est un compagnon redoutable. Allah al-Musta'an. Leur plan était de laisser cher Yahya jusqu'à ce qu'il parle sur Abd al-Rahman al-Adani. Puis je serai le premier à me lever dans l'assise et à dire « Crains Allah » par rapport à ce que tu dis sur Abd al-Rahman al-Adani. Puis un tel se leverait ici et là un autre, jusqu'à causer un désordre total. Qu'est-ce que ceci signifie ? Par Allah, c'est la Hizbiya. Qu'est-ce que la Hizbiya, c'est prendre aveuglément le parti d'une personne ? Et aussi, on peut citer que lorsque Cheikh Yahya a dit que Abd al-Rahman al-Adani était à la tête d'une faction après tout ce qui s'est passé, Abd al-Rahman al-Adani, après la prière du vendredi, se leva avec autour de lui un grand nombre de ces personnes, de Addan, tout ralliés autour de lui d'une façon attirant l'attention. Ils étaient en très grand nombre et sont montés dans des véhicules en groupe, comme si c'était un grand responsable. Lorsque, ce qu'on peut citer aussi, lorsque Cheikh Yahya a renvoyé Abd al-Rahman al-Adani, Yassin al-Adani, qui est une des têtes des adeptes acharnés d'Abd al-Rahman al-Adani, s'empressa de lui faire part de la nouvelle. Abd al-Rahman al-Adani dit, je vais revenir pour entendre que je suis renvoyé de mes propres oreilles. Ceci a été rapporté par le frère Mohamed al-A'amoudi, un des étudiants de Damaj. Ainsi, Abd al-Rahman al-Adani a voulu revenir sans faire attention aux conséquences néfastes que cela pouvait engendrer, jusqu'à ce qu'Abd al-Rahman ibn Shahir, le bras droit d'Abd al-Rahman al-Adani à Damaj avec lequel il est en contact, dise, je vais me rendre auprès de celui qui, s'il dit à Cheikh Yahya de descendre de la chaise, il le fera. Ceci a été entendu par Abdallah al-Jahdari, qu'Allah le préserve. Ceci étant un aperçu des preuves sur le désordre, la discorde et la division provoquée par Abd al-Rahman al-Adani et ses acolytes, sans parler des attaques et des bagarres causées par les partisans d'Abd al-Rahman al-Adani au sein du centre de Damaj. Et également, des Français ont été mêlés à des bagarres à cause de leur ta'assoub. Bien évidemment, vous ne trouverez pas leur nom dans le site de la partie française de cette Hizbiya. Et aussi, ce que l'on peut citer parmi leurs points, et que ils étaient connus pour monter les gens de la sunna les uns contre les autres. At-tahrish. Notre cher, le savant Yahya ibn Ali al-Hajouri, a dit dans son livre les procédés masqués visant à attaquer la da'wa salafia, compris dans son livre bénéfique les méfaits de la Hizbiya sur la communauté musulmane, page 28 à 29. Il dit, parmi les procédés masqués visant à attaquer la da'wa salafia, yani le tahrish, qui est le fait de semer la zizanie, de monter les gens les uns contre les autres. Les adversaires de la da'wa salafiyya sont ceux qui opèrent de cette façon au sein des dépositaires de cette prédication, savants et prédicateurs, en semant dans leur rang la zizanie. Ce n'est pas une chose nouvelle, mais il est plutôt de longue date, de l'époque de l'imam al-Bukhari et de son cher Mohamed ibn Yahya al-Zuhri, et de celle de l'imam Malik ibn Ishaq, celle de Abbas ibn Abdallah al-Azim et Abd al-Razak, ainsi que de nombreux savants parmi les prédécesseurs. Et ceci est ce à quoi s'applique Shaitan, le diable. Naam, l'imam Muslim rapporte dans son sahih d'après Jabir ibn Abdallah radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Shaitan, donc le diable, a désespéré de voir ceux qui accomplissent la prière dans la péninsule arabique l'adorer. Mais il n'a de cesse de semer la zizanie, le tahrij. Il y a un qu'il répand le tahrij, l'emploi, s'il y applique fortement, il ne renonce pas. Jusqu'à même crier le tahrij entre un tel et son frère, entre son père et son fils. Il dresse son trône sur la mer et disperse ses troupes afin de semer le tahrij entre un tel et un tel. Il n'est point satisfait de ce qu'ils font jusqu'à ce que l'un d'eux ne vienne et dise « Je n'ai cessé d'harceler un tel jusqu'à ce qu'il ne se sépare de sa femme. » Et il lui dit alors « Comme tu es excellent. » Et il lui dépose une couronne sur la tête. Celui qui s'emploie à ceci est considéré comme faisant partie des troupes de Shaitan dans cela, qui sème la zizanie entre un tel et son frère, ou entre une épouse et son mari, ou entre un tel et son voisin. Entre les musulmans, tout ceci fait partie des œuvres de Shaitan. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Celui qui monte une épouse contre son mari ou un servant contre son maître ne fait pas partie des nôtres. » Et le sens de Khabbaha est qu'il la corrompe et fasse qu'elle le déteste, et qu'il fasse que le servant haïsse son maître, s'injure contre lui et qu'il l'aide à s'enfuir, ainsi qu'il pousse la femme à mal se conduire et s'opposer à son époux. Lui qui est son compagnon, le voisin le plus proche qu'elle est, voire même ce qu'elle a de plus cher si Allah a mis de l'affection entre eux. Ceci est une chose que les gens doués de raison ont remarqué, que les ennemis de la da'wah salafiyya ne se rassasient pas de cela. Fin de citation. Alors, parmi le septième point de premier ordre, donc toujours dans le premier, dans le cinquième chapitre, les preuves de ce tahrij sont nombreuses et en voici quelques-unes. La première, Abdurrahman al-Adani se faisait passer pour une victime auprès des savants et veut donner l'impression qu'il accepte leurs conseils. Ce qui entraînait les savants à sortir des éclaircissements qui ont exposé afin d'intensifier leur fitna et pour mettre en conflit les paroles des savants avec celles de Sharia, causer la division, la divergence et l'empoignade entre les gens de la sunna. Alors qu'il n'a pas, lui et ses fervents, partisans, respecté les conseils des savants, de délaisser l'esprit sectaire, de clan et la discorde, et de veiller à préserver la fraternité et d'autres choses. Ce qui clarifie cela est que, donc, huitième point parmi les cinquième chapitres, les savants se sont réunis à Damaj au début de la fitna. Naam. Sur la date de 14 du 7 1428, soit en 2017, avant qu'Abdur Rahman al-Adani ne soit expulsé. Ils ont conclu dans leur réunion qu'il fallait immédiatement faire cesser les inscriptions pour la vente des terres et que Abdur Rahman al-Adani devait impérativement s'excuser de ce qu'ont entraîné ces inscriptions comme tumulte, confusion et division et autres. Or, il n'a aucunement respecté ce que les savants lui imposaient. Bien au contraire, il a continué ses inscriptions après cette réunion jusqu'à maintenant. Le frère Abu Ubaïd al-Khalid ibn Muhammad Mohamed Ashara'abi, Hafizallah, a dit, mon gendre, Abdel Hafiz al-Dubaï, m'a rapporté qu'il a appelé Abdurrahman al-Adani il y a environ un an et lui a dit, il te reproche d'avoir ouvert les inscriptions pour la vente des terres à Damaj. Celui-ci lui répond, je ne veux pas arrêter les inscriptions. Fin de citation. Le frère Abu Abdullah Aïdarous ibn Nasir al-Radfani, Hafizallah, dans une de ses publiées intitulée « Le début de la déviation ». Les savants se sont réunis à Damaj, qu'Allah préserve cet endroit, le 13 du mois Jumadi al-Akhira, 1427-2006, ayant dit qu'il fallait cesser les inscriptions au centre Fayouche. Est-ce que les représentants de la ville de Ratfan, Abdallah ibn Salim, a pris en considération la fatwa des savants ou non? Non. Et ceci, nous l'avons déjà lu. Pas besoin de le réitérer. Depuis, Abdur Rahman al-Adani n'a pas respecté ce que les savants lui ont imposé, qu'il devait présenter des excuses pour ce qui s'est produit. Et Sharia lui a renouvelé la demande après le départ des savants plusieurs fois en main en vain. Il n'a prêté aucune considération aux conseils des savants et ne regarde pas les conséquences néfastes qui vont en résulter. Et ceci viendra dans le chapitre concernant le fait qu'il ne prête pas attention aux savants. Nasser al-Zaidi al-Adani, un des fervents partisans et rapprochés d'Abdur Rahman al-Adani, a dit aussi au frère Abdur Rahman Da'as al-Yafi'i, l'arrêt des inscriptions pour les terres conclues par les savants n'est qu'une opposition au bien. Et la situation n'a fait qu'empirer, le fanatisme, les diffamations, le fait de se liguer et le mal ne firent que s'aggraver. C'est ce qui poussa Sheikh Yahya à continuer à parler sur l'insurrection de Abdur Rahman al-Adani. Et ce dernier continua à se faire passer pour une victime auprès des savants et donner l'impression qu'il accepte leurs conseils. Et parmi les conseils de notre cher Yahya, celle intitulée « Conseil de frère Abdur Rahman al-Adani » d'arrêter le hajj, le fait de couper les relations et l'encouragement à la fraternité et la bonne entente. Deuxième point du cinquième chapitre. Ceci conduit à une autre réunion des savants dans l'institut de Marbar sur la date du 12-4-1428 en 2007. Il est conclu de cette réunion avec Abdur Rahman al-Adani qu'il a Abdur Rahman al-Adani est avec ses frères les savants de la sunna, sa da'wa et la leur. Il se rallie à l'avis de tous ceux qui considèrent les gens de la sunna et les paroles de Sheikh Yahya ne doivent pas amener à une discorde au sein de la da'wa salafiyya. Et que al-Adani est remercié pour se plier aux savants de Ahl al-Sunna et veiller au bien de la da'wa. Et qu'on doit toute reconnaissance à Sheikh Yahya pour les efforts qu'il déploie au service de la da'wa salafiyya et sa préservation, car elle ne parle pas sous l'emprise de l'envie, hasad, ni de la rancœur, ni pour faire tomber une personne parmi Ahl Sunnah. Bien au contraire, il ne parle que par envie protectrice de la Sunnah et des gens de la Sunnah. Fin de citation. ou Abd al-Rahman al-Adali, fut parmi ceux qui ont signé cet éclaircissement Beyen et a écrit après cela un feuillet, sous la date donc, qu'on vient de citer, où il dit « Je me désavoue auprès d'Allah de tout un asoub, esprit donc de parti, de la djihiliya et de tout ce qui cause la division des rangs et brise l'unité, que ce un asoub soit pour moi ou un autre. » Fin de citation. Fort malheureusement, tous les engagements que Abd al-Rahman al-Adani a signés dans l'éclaircissement Bayyin des savants et dans cette feuille n'est qu'un simple encre sur une feuille car les faits le contredisent. Naam. Car en effet, dès la fin de la réunion, il s'est remis à s'asseoir et à se lier à ceux qui calomnient Cheikh Yahya et l'Institut d'Ar al-Hadith Bid-Dammaj s'efforce à causer la discorde, le fanatisme, briser l'unité et la division des rangs. Ceci à cause de lui, sans qu'il ne les conseille et ne délaisse leur fitna et en faisant leur éloge, poussant à se rendre auprès d'eux et à les contacter et en les recommandant. Un aperçu de leur agissement et de leurs paroles, comme ceux d'Abu Al-Khattab, le Libyen, et d'autres vont suivre, Inch'Allah. Bien au contraire, les partisans en discussion de Abd al-Rahman al-Adani ont profité de ce rapport et sont revenus avec lui à la charge contre leurs frères en leur faisant des reproches, coupant les relations avec eux, donc l'Hajr, pourtant à les délaisser, Tanfir, diffamant Cheikh Yahya en causant la division, l'alliance et le désaveu restreint et autres, sans qu'on entende de la part d'Abd al-Rahman al-Adani le moindre souffle de condamnation de leur acte et sans daigner bouger le petit doigt. Bien au contraire, ces personnes sont des compagnons d'assises, ses camarades en voyage ou sur place, il fait leur éloge, pousse à se rendre auprès d'eux et les loue ouvertement. Alors que dans le même temps, notre cher Yahya ne cessait de les conseiller d'arrêter le Hajj et d'encourager à l'entendre et la fraternité tout en continuant à clarifier cette fitna et ses conséquences néfastes. Alors le dixième sous-chapitre du chapitre 5. Puis les savants, qu'Allah les préserve, ont tenu une troisième réunion à Hudaïda sur la date 5 du 1-1429 avec Abd al-Rahman al-Adani. Et ils y évoquèrent la conclusion de l'assise avec Cheikh Rabi'a, wafakahullah, au Hajj de l'année 1428. Et parmi ce qu'ils ont évoqué, que Cheikh Abd al-Rahman al-Adani se désavoue de ceux qui parlent sur Cheikh Yahya et sur Dammaj, et que celui qui parle ne représente que lui-même et ne parle pas au nom de Abd al-Rahman al-Adani. Un document annexe fut également établi par le rapport explicatif précédent à la même date indiquant que Cheikh Abd al-Rahman al-Adani mettrait en application ce qui lui a été demandé, en se basant sur ce qui a précédé, que celui qui sème le trouble contre Dammaj et contre Cheikh Yahya en prétendant défendre Cheikh Abd al-Rahman al-Adani, qu'il sache qu'il nuit à Cheikh Abd al-Rahman al-Adani, vu que celui qui se désavoue ses agissements et ne les agrée pas. Et dès lors, la prise de défense de cette personne n'est qu'une nuisance contre elle-même. Fin de citation. De plus, Abd al-Rahman al-Adani, après avoir apposé sa signature sur ce bayyin, a annexé une feuille où il dit « Je me désavoue auprès d'Allah de toute insurrection et diffamation contre Dammaj et contre Cheikh Yahya al-Hajouri et celui qui fait cela ne se représente que lui-même, non pas moi. » Et c'est ainsi que Abd al-Rahman al-Adani a souscrit aux savants et convenu de leur exigence dans leur rapport explicatif, mais il agit contrairement à leur contenu maintenant et par la suite. En effet, parmi ceux qui l'ont accompagné dans cette réunion, Abd al-Rauf ibn Abbad, Ali al-Hudayfi, Abd al-Ghafour al-Lahji, Abd al-Rahman Badih et Hashim Saïd. Or, ceux-ci font partie des têtes de la fitna. Et il a rencontré là-bas Yassine al-Adani, une des plus grandes têtes de cette fitna. Et d'autres également. Et lorsqu'il est reparti, il a continué à côtoyer ceux qu'il a prétendu désavouer dans le Bayyin, faire leur éloge et participer avec eux dans les séminaires comme il l'a fait avec Nasser Zaidi al-Adani, Ali al-Hudayfi, Abd al-Ghafour al-Lahji, qui font pourtant partie de ces partisans acharnés allumant le feu de la fitna et possédant pour la plupart des terres dans son institut. En réalité, ils n'ont en fait rien respecté de ce qui est convenu dans le rapport. Ce n'est que de l'encre sous des feuilles ruses et tromperies. C'est ainsi que ce Bayyin n'a profité en rien aux fervents adeptes d'Abd al-Rahman al-Adani, si ce n'est qu'ils ont au contraire, aggraver la division, ta'assoub l'esprit de parti, la calomnie contre notre shir et son institut, intensifier le hajar, le fait de couper les relations avec ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, sans contestation de la part d'Abd al-Rahman al-Adani, ni s'en tenir à la position qu'il a promis de prendre envers ces gens, chasser la naturelle et y revient au galop. Non. On sait donc avec tout cela que ce qui a fait paraître Abd al-Rahman al-Adani comme se pliant aux exigences et désaveux de ses défenseurs acharnés, n'avait en fait pour but qu'élargir la sphère de cette fitna et chercher à mettre les savants dans ses rangs, et de s'en servir comme protection pour repousser l'épreuve qu'a avancé Cheikh Yahya sur sa fitna, et vouloir par eux se renforcer afin de continuer à semer la division, la divergence et le déchirement des rangs. Les promesses non tenues d'Abd al-Rahman al-Adani lorsqu'il a signé le rapport des savants ressortent donc. En effet, il est connu que le désaveu se fait par les paroles et les actes. Il ne suffit pas juste de prétendre les choses, comme cette nuit ressemble à celle de la veille. En effet, effectivement, ceci nous rappelle les agissements d'Abul Hassan al-Misri avec les savants de Médine lorsqu'il les a utilisés pour chercher à se renforcer et les a utilisés comme protection. Puis une fois sortis de chez les savants, les voilà qui se met à fréquenter les gens de l'innovation, comme l'a dit Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimallah, dans son livre Al-Fatwa al-Jahriya, tome 2, page 221. Le frère Khalid al-Sha'abi a dit, après ce bayan où Abd al-Rahman les avoue, selon ce qu'il prétend, ceux qui incitent le Cheikh Yahya, Dar al-Hadith, mon gendre Abd al-Hafid al-Duba'i est venu à Damaj en visite et a dit, voilà, il s'est désavoué, que reste-t-il? Puis s'ensuit une discussion entre nous parmi ce qu'il a dit et qu'il avait contacté par téléphone Abd al-Rahman al-Adani qui lui a dit, je n'ai fait cela que pour calmer les choses. Onzième sous-chapitre du cinquième chapitre, Abd al-Rahman et Abdallah Mar'i s'activent pour créer la zizanie, al-Tahrij, entre Cheikh Yahya et les autres savants. Abd al-Rahman ibn Mar'i, son frère Abdallah et les têtes de la fitna parmi ses compagnons, n'ont pas suffisamment obtenu ce qu'ils recherchaient avec leurs rencontres et réunions avec les savants du Yémen, puisqu'ils n'ont pas pu les attirer dans leur rang. Sauf ce qui s'est produit avec Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi, qui a lui allé encore la réussite, puis qu'il s'est mis à défendre corps et âme Abd al-Rahman al-Adani, ce qui a causé une grande discorde et divergence entre Cheikh al-Wasabi, élargissant eux-mêmes la sphère de la discorde et en l'utilisant al-Wasabi pour se protéger. Mais ceci n'a pas satisfait l'appétit d'Abd al-Rahman. Lui et son frère sont alors tournés vers les savants d'Arabie Saoudite, comme cette nuit ressemble à celle de la veille. En effet, c'est exactement ainsi qu'a procédé Abu al-Hassan. Lorsqu'ils ont vu que Mohammed Abd al-Wahhab al-Wasabi ne leur a été profitable en rien contre Cheikh Yahya, et qu'à chaque fois qu'il parlait sur Cheikh Yahya, il s'empêtrait et les blâmes se retournaient contre lui. Ils ont changé de direction en s'orientant vers la terre du Hijaz et Najd. Hani ibn Burayk et ses compagnons leur ont préparé le terrain. À Médine, ils sont mis à charger les cœurs de certaines personnes contre Cheikh Yahya, hafdallah, parmi ces personnes, Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah le guide, qui à chaque fois qu'ils viennent vers lui, les écoutent favorablement. Parmi ceux qui prouvent qu'ils ont rempli le cœur de Cheikh Ubayd de haine, qu'Allah lui accorde la réussite, et qui parlaient sur Cheikh Yahya, et que si un étudiant de Damaj venait en visite, il ne l'accueillait même pas et n'avait pas de bon rapport avec lui. Lorsque Abd al-Rahman ibn Mar'i et son frère Abdallah se rendirent là-bas, en prétextant se soigner, ils ont fini ce tahrij, cette dizanie, les montées contre ceux de Damaj et ses divisions. Cheikh Yahya n'a ressenti qu'attaque de la part de Cheikh Ubayd, Hadahullah, contre lui, son prétexte des propos qu'il a tenus au sujet de la Jami'a, dont la situation est connue de tous les gens de la Sunna. Parmi les témoignages et les preuves attestant de ce que nous avons évoqué, Abd al-Rahman, al-Adani et ses compagnons, les têtes de la fitna ont utilisé l'affaire de l'université islamique comme tremplin afin de frapper la da'wah salafia en son sein, et enflammer quelques savants d'Arabie Saoudite et les monter contre Cheikh Yahya afin de leur souterrer quelques paroles contre lui. Comme cela s'est produit avec Cheikh de la Sunna au Yémen. Alors qu'Abd al-Rahman al-Adani lui-même voyait exactement la même chose que Cheikh Yahya concernant les universités islamiques, ou même pire. En effet, il déconseillait d'aller y étudier, comme dans une cassette, avec propre sa voix diffusée sur internet. L'affaire de l'université islamique, dont personne n'ignore la réalité, est-elle une cause pour diffamer la da'wah salafia pure en son sein? Est une cause de division, de divergence, friction et scission entre les gens de la sunna? Que prouve donc ceci? Cela ne prouve-t-il pas que leur but en soulevant l'affaire de l'université islamique n'est autre que le tahrij, monter les gens contre les autres, hein, et vouloir qu'ils se confrontent Certaines personnes douées de raison et de sagesse ont d'ailleurs bien attiré l'attention sur ce point. Comme Cheikh Mohamed ibn Ramzan, Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raimi rapportent de lui dans un publié, Cheikh Yahya al-Hajouri a certes été guidé pleinement dans la justesse de ses propos dans son dialogue avec Cheikh Ubaid al-Jabri, alors qu'Allah lui accorde la réussite. C'est ainsi que le Jami'a ne saurait être l'objet d'éloge total, ni celle de critique totale. La question a plutôt besoin d'être détaillée. Celles-ci contiennent du mauvais et du bon et du mauvais. Comme cela n'échappe à personne. En l'occurrence, j'espère que cette affaire ne soit pas un début de fitna dont pourraient tirer profit ceux qui veulent allumer le feu de la fitna entre les gens de la sunna. Fin de citation. Parmi ce qui appuie ceci est que notre cher a imputé à Abdurrahman al-Adani et ses compagnons le fait de vouloir faire du tahrij, monter les gens contre Cheikh Yahya dans sa réponse à Cheikh Ubaid en disant: j'attire l'attention à l'honorable Cheikh Ubaid qu'il ne faut pas qu'il croie que ce que lui rapportent certains maftouns qui sont devenus remplis de haine envers nous, parce que nous avons éclairci leur fitna contre la da'wah salafia au Yémen, à l'instar de Abdurrahman al-Adani et son frère Abdallah et Hani Abouraik, Arafa et leurs semblables. Nous connaissons les énormes efforts qu'il déploie afin de semer la zinaïa entre moi et mes frères de la sunna. Nous demandons à Allah de nous préserver ainsi que vous des effets pervers des mauvais compagnons. Fin de citation. Et la réponse de Cheikh Ubaid ne fut rien d'autre qui leur accordait du crédit et les a décrits comme étant ses confidents. Il n'a aucunement nié ce que Cheikh Yahya lui a attribué comme tahrij. Abdurrahman al-Adani et ses compagnons également ne se sont défendus de cette attribution. Et ceci parmi ceux qui confirment également cela, et qu'ils remettent sur le tapis des précédentes affaires provenant de ceux qui sont insurgés contre la da'wah salafiyya, en son sein parmi les compagnons d'Abul Hassan et Salih al-Barqi. Comme l'affaire, les gens de la sunna sont le groupe le plus proche de la vérité. Et Cheikh Yahya, hafizahullah ta'ala, a éclairci cette affaire en son temps. Et aussi parmi ceux qui confirment également cela, après les réunions des savants où Abdurrahman al-Adani a signé les éclaircissements précédents cités, il sortit une feuille qui est devenue célèbre où il divulgue ce qu'il cachait depuis qu'il a commencé à étudier. Ceci prouve bien que tous ces simulacres où il feint d'accéder à la demande des chers n'avaient pas pour but d'améliorer les choses, mais plutôt de vouloir attirer les gens dans ses rangs. Voici le contenu de cette feuille où il dit: j'aimerais attirer l'attention de tous sur le fait que parmi les comportements de Cheikh Yahya, donc de Yahya al-Hajouri, connu de sa part, et qui n'hésite pas à nier et à rejeter ce qui provient de lui, même si plusieurs étudiants en attestent, voire même des savants honorables, tant qu'il n'y aura pas une cassette enregistrée avec sa voix ou une chose écrite avec son écriture. N'oubliez pas ce qu'il a contesté dans ce qu'on a rapporté les savants lors de la réunion à Hudaïda, concernant son accord, ce quoi ils se sont entendus à Mecca chez Cheikh Yahya et Cheikh Rabi' al-Madkhali. En réunion, il est donc soit un menteur, soit un roublard. Il a clarifié son accord chez eux, alors c'est un menteur lorsqu'il a contesté. Et s'il n'a pas clarifié son accord, alors c'est un roublard, car il a laissé croire au présent son accord, alors que ce n'était pas le cas. Et combien de mensonges, de fourberies et de roublardise de la part d'Al-Hajouri, en faisant même mine d'être vertueux, de craindre Allah, de rechercher la véracité et l'honnêteté. C'est ainsi que j'enregistre cette attestation religieuse, sachant qu'Allah va me questionner dessus le jour de la résurrection. Nous allons écrire leur attestation et ils seront questionnés. Je dis donc, il y est dit: je jure par Allah le sublime que je n'ai jamais connu depuis que j'ai commencé à étudier jusqu'à aujourd'hui parmi les gens se disant de science et de piété, une personne plus perverse et haineuse dans les démêlés, plus mensongère, plus roublard et plus fourbe que Yahya ibn Ali al-Hajouri. Naam. Il dit toutes ces caractéristiques et prend le plus grand soin à ce qu'elles ne paraissent pas. Mais Allah ne veut que démasquer les adeptes du faux. Et Allah dit: c'est vrai. Donc on a le sens approximatif du verset ici. Mais Allah démasque ce que vous dissimulez. Et comme il l'a bien été dit, quiconque que la personne ait comme comportement, mais s'il pense pouvoir le cacher, cela finira par se savoir. Fin de citation. Et nous n'avons pas trouvé de parole de leur part se désavouant de cette accusation. Bien au contraire, envoyé de Jibril a confirmant appuyé cela en les considérant de confiance et faisant leur éloge. Il ne les a pas déchargés de cela. Et par la suite, donc, Cheikh Yahya, hafzallahu ta'ala, a répondu à ses propos parmi ce qu'il a dit. Je dis, Abdurrahman doit encore se souvenir, à moins que son nouvel entourage ne lui a fait oublier, ce que ne cessait de répéter notre cher Mokbil Rahmullah, que le mensonge est un des piliers de la Hizbiyya. Ce serment où il dit qu'il n'a jamais connu, depuis qu'il a commencé à étudier jusqu'à aujourd'hui, parmi les gens se disant de science et de piété, une personne plus perverse, plus mensongère, plus roublard et plus fourbe que moi. Donc Yahya ibn Ali al-Hajouri. Ceci prouve qu'Abdurrahman fait preuve de perversité et de mensonge. En effet, aucun doute que les adeptes de passion, qu'ils soient chiites, soufis, mu'tazila, membres du Hizb al-Tahrir, les Ikhwan al-Muslimin et bien d'autres qu'on ne saurait dénombrer, eh bien, je suis plus menteur, plus pervers et plus roublard que tout cela, d'après ce que c'est Abdurrahman al-Adani. Wallahi, nous n'avons pas entendu même des plus grandes tête de Hizbi comme Abul Hassan de telle insolence avec un serment mensonger et des forgeries de mensonges aussi pervers. Fin de citation narré dans Bayyan Waqa'a Fihi Abdurrahman min al-Fujur wal-Iman al-Khadiba, page 2. Qu'Allah fasse miséricorde à Cheikh Najmi, qui a dit que celui qui parle sur Cheikh Yahya est un mobtédien, voire en annexe le document prise de défense des savants en faveur du centre d'études de dommages ainsi que de son chir. Et la note d'auditeur par rapport à cela, c'est également ainsi que procède la partie française de ce Hizbiyya, notamment sur le site Forkan, qu'Allah les rétribue selon ce qu'ils méritent. Ils ont par exemple appelé Cheikh Obeid, pour lui soutirer quelques paroles contre Dammaj. Après cela, Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, a dit « Je ne suis aucunement d'accord avec Cheikh Obeid concernant sa mise en garde contre Dammaj. Et si j'avais su que ceci se trouvait sur le site Sahab, j'aurais demandé aux frères de le supprimer. Et je ne suis pas encore... Et je ne suis pas au courant de tout ce qui se trouve sur Sahab. » Posté le 27 du 5-2009, fin de citation. Au passage, la voix de l'auteur des questions a été reconnue. Ce n'est autre qu'Abdallah, le luxembourgeois, le traducteur Abdallah ibn Mar'i, le frère d'Abdurrahman, et l'Adani, une vraie hizbiya organisée. La plupart des sites ont supprimé ce poste, seuls l'ont gardé les fauteurs de troubles, tel le site français précité. Ajoutons la parole de Cheikh Salim al-Hilali, qu'Allah le préserve lors de sa visite à Damaj en juin 2009, Il a été questionné au sujet de ceux qui mettaient en garde contre l'institut de Dammaj. Plus particulièrement, ce qui a été entendu de Cheikh Ubaid, Hadawallah, de Cheikh et de Cheikh Mohamed al-Wassabi contre Dammaj et Cheikh Yahya, sa réponse fut « Je demande à Allah d'améliorer leur situation à Cheikh Ubaid et al-Wassabi et de leur accorder la réussite et ils demeurent malgré cela nos frères. Eh bien je dis que mettre en garde contre cet institut donc, qui est Dammaj est une erreur. Oui, tout à fait, mettre en garde. » Fin de citation et fin de chapitre et fin de première audio. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.